Des vampires qui brillent au soleil, un jeu d'acteurs minable, des films qui donnent le cancer, ce soir on vous parle de Twilight. Bonsoir à tous et bienvenue dans Coupin comme cochon. Ce soir, autour de moi, j'ai Mathilde. Bonsoir, Mathilde. Bonsoir. Bonsoir, Tiffaine. Bonsoir, Jules. Et je serai votre autre Jules pour cette soirée. Alors ce soir, de quoi nous allons parler ? Oh bah, des films de merde. Oh bah oui, c'est bien de la merde, je crois qu'on peut le dire. Oui, on va parler de Twilight, hein, malheureusement. Oui, Twilight, ce mot des temps modernes. Ouais. Je pense qu'on peut le définir ainsi. Mm. Mais avant tout, est-ce qu'on se ferait pas quelques petites news ? Ah si, allez. De quoi tu vas nous parler, Mathilde, ce soir ? Ah bah pour changer d'une série. Ah bah oui, ça change. On change pas trop, ouais. Bah alors moi j'ai découvert une série qui est passée sur Hulu et qui s'appelle The Handmaid's Tale. C'est quoi Hulu ? Hulu, c'est comme HBO ou CBS ou des trucs comme ça. C'est une chaîne qui diffuse des séries télé. Et du coup, ça vient d'un roman de Margaret Atwood qui date des années 80 et qui s'appelle La Servante Écarlate en français. Oh. Et The Handmaid's Tale, ça se passe dans un futur proche, ça pourrait être aujourd'hui en fait. C'est une dystopie, et en fait l'humanité est pratiquement devenue stérile, c'est-à-dire qu'il n'y a presque plus d'enfants. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un coup d'état. Mais c'est pas une dystopie, ça c'est une utopie. C'est vrai, nous sommes d'accord. Merci du coup, il y a des animaux à la place. Génial. Et du coup, il y a eu un coup d'état par une organisation religieuse extrémiste qui a pris le pouvoir et qui a... Les catholiques, j'en suis sûre. Bah, je sais pas trop. Oui, c'est les catholiques. Et en fait, ils ont anéanti le gouvernement. Et dans cette nouvelle société, les femmes sont esclavagisées. Et en fait, elles sont réunies en trois groupes. Donc, il y a les wives, les épouses, les Martha, qui sont les servantes, et les handmaids. En fait, c'est des femmes qui ont eu des enfants précédemment, qui ont été capturées, et qui ne servent uniquement pour la reproduction. Donc en fait, elles arrivent dans une maison. Tous les mois, il y a la cérémonie. Donc en fait, il y a le mari, la femme, la handmaid, la Martha et les autres gens de la maison. Et en fait, le commander doit inséminer la handmaid. Donc viole. Mais pourquoi il insémine pas la wife ? Bah parce que les femmes, elles sont stériles. Et en fait, il y a que les handmaids qui peuvent avoir des enfants. Ah oui, pardon. Et du coup, on suit un personnage qui s'appelle June, qui est joué par Elizabeth Moss, donc une actrice de 34 ans qu'on a vue dans la série de Jane Campion, Top of the Lake, ou dans Mad Men. Très bonne actrice. C'est aussi avec Stéphane Fiennes. Je crois que c'est le frère de Ralph Fiennes qui a joué dans Shakespeare in Love. Et Max Minghella, qu'on a vu dans The Social Network. Et c'est une série hyper intéressante parce que c'est glaçant, hein, clairement. C'est que tu le regardes, t'as pas la pêche après. Et en même temps, d'un point de vue formel, c'est très beau. Il y a tout un travail sur la couleur rouge. C'est vraiment, on est dans le haut du panier en termes de série. Et moi, ce que j'aime tout particulièrement dans cette série, c'est que les acteurs sont des gens normaux. Enfin, c'est pas tous des beaux gosses, c'est vraiment de très très bons acteurs qui ont été choisis pour ça. Et il y a tout un univers qu'on découvre petit à petit. Donc au début, on a la narratrice qui est la handmaid et qu'on découvre petit à petit. Et vraiment, je vous la conseille vivement parce que c'est très intéressant à voir. Et ça m'a un peu rappelé dans la même ambiance Les Fils de l'Homme. Mais... C'est-à-dire ? Pourquoi c'est arrivé ? Bah parce que dans Les Fils de l'Homme, l'humanité est devenue stérile aussi. Oui, oui, mais... Et donc forcément, c'est très noir. Il y a peu d'espoir, il y a tout ce qui comme est... Comme le chantait Johnny. Comme le chantait Johnny. Bah non, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est excellentissime, vraiment. Regardez cette série. Ok. Alors moi, c'est pas tellement une news, c'est plutôt un genre de coup de gueule sur Facebook. Il y a plein de pages de mèmes, je ne vous fais pas l'affront de vous définir ce qu'est le mème, qui sont en fait vachement basées sur le socialisme ou le communisme. Et Dieu sait que je ne suis pas un chancre du néolibéralisme et de notre système économique actuel. Ah bah oui, tu nous as bien saoulé avec Harry Potter. Hein, c'était très bien d'abord. Ah, Abrial était d'accord avec moi. Enfin bref. Et j'aimerais juste dire, parce que c'était à l'égard d'une petite bande dessinée faite à l'arrache sur ce site-là, où en fait on voit un petit bonhomme en bâton avec une tête victim of communism. Donc les victimes du communisme. Et t'avais le glorieux socialiste qui arrive et qui lui enlève ce masque pour en fait révéler Dorky, qui est en fait la mascotte entre guillemets du capitalisme pour ces gens-là. Et en fait, je me suis rendu compte que si moi je les regardais avec un second degré certain, les gens pas du tout. Et en regardant les commentaires, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient vraiment que des pages Facebook comme Victim of Communism étaient des gros fakes mis par une sorte de grosse corporation capitaliste. Et j'aimerais juste, si ça peut toucher quelques personnes et les faire réfléchir, juste que vous soyez bien conscients que c'est pas vrai tout ça. Parce que je sais pas si moi j'ai une vision critique suffisante pour juger de ça. Bah oui, mais... t'as été en philo. Hein. Bah oui, mais ce qu'on peut voir sur ces pages, c'est pas du tout vrai. Ça reste de l'humour et il faut le prendre comme ça. Parce que Internet, là, ça m'a fait très très peur en voyant que peut-être la moitié des gens qui likaient ces pages-là étaient dans un négationnisme en fait complet des victimes du communisme, du mal qu'a fait le communisme au siècle dernier. Mais alors tu sais que c'est à cause de ça que Trump est élu. Ah bon ? Entre autres, ouais. C'est qui Trump ? Ah, je ne sais pas, je crois que c'est un homme avec une jolie mèche. Est-ce que vous connaissez ce site internet qui s'appelle Trump Donald ? Et en fait, c'est la tête de Trump, si tu tapes Trump Donald sur Google, et t'as une trompette qui balance, qui fait sur Trump et qui fait bouger sa mèche. Et en fait, c'est juste ça. Et t'as un compteur qui compte le nombre de fois on a fait sur Trump. C'est excellent, vraiment. Faites ça. Formidable. Ça défoule. Enfin, donc voilà, c'était juste pour dire ça, parce que, ok, le néolibéralisme et le capitalisme, c'est pas franchement la meilleure chose qu'on ait pu connaître aujourd'hui, mais il faut pas du tout être dans le négationnisme des victimes du communisme et du fait que le communisme au siècle dernier ça fait énormément de victimes, et non, Staline n'était pas quelqu'un de bien. Et bah après ce petit moment très patriarcal, merci Jules, et j'aimerais justement vous parler de musique. Ah oh oui. Et je vais vous parler de papy, parce que j'aime bien les papys. Et il y a un groupe de papys qui sont trois. C'est un petit peu mon petit kiff musical, donc là je vous révèle quelque chose, donc soyez sympas avec eux. Ils s'appellent The Next. C'est trois papys australiens. C'est quoi, c'est un groupe de belles musettes ? Ah, c'est très drôle, hein. Pardon. Alors voilà, alors moi, ce que je vais dire, là c'est important, on ne me critique pas. Non, en gros, c'est The Next, c'est trois types qu'on fait des trucs dans leur vie, et puis à un moment ils se sont dit, bon bah les gars, on va pouvoir faire du son maintenant qu'on a des sous, on fait un peu ce qu'on veut. Et du coup, c'est trois types, moi qui adore les vieux et qui ont plus de 60 ans, qui ont commencé un peu plus tôt quand même. Mais si vous avez besoin d'un côté smooth, d'une envie d'être un peu cosy, justement, écoutez The Next, qui sont trois hommes. Donc il y a un homme qui fait du piano, il y a un homme qui fait de la contrebasse et parfois de la basse, et un homme qui a la batterie. Alors l'intérêt de ces trois personnes, c'est qu'ils n'utilisent pas du tout les instruments comme on les connaît, qui font en fait que des expérimentations, et tous leurs albums sont enregistrés de concerts expérimentels qu'ils ont fait. Et j'ai eu, oh Dieu, la chance de pouvoir aller à un de leurs concerts qui était au Collège des Bernardins l'année dernière. Et vraiment, c'était formidable, parce que déjà, c'est un monastère, donc l'acoustique est top. Et ils ont du coup fait une improvisation totale qui était, ma foi, formidable. Et à tous ceux qui recherchent un peu de côté musical, de côté doux, pour faire le sexe, pour faire la chose. Oh. Oh oui. Oui, oh. Je sais. Et ben, je vous conseille l'album Open. D'accord. Parce que déjà, il est explicit. Voilà, il est open au niveau open. De... Ah, ouais. Alors, et puis surtout qu'en fait, ça vous emmène dans un voyage. Mm-hmm. Dans un voyage parfait de sensualité. Oh là là. Alors, ce ne sera pas du sexe violent, hein, je vous préviens. Oui. Ce sera du sexe smooth, du vendredi soir, quand on a bien fini la semaine. C'est pas du sexe sur Rage Against the Machine, quoi. Non, voilà. Hein, c'est un moment... C'est un moment un peu doux. Hein. On comparera ça plus tard nos... Comment, The Next The Next, et bah, écoute, c'est comme les coups. Hein, voilà, c'est ce qui te tient. Ah, The Next. The Next, ah ouais, excuse mon accent. Non, mais donc, oui. C'est comme les coups, en fait, ce sont des personnes qui te portent. D'accord. Voilà. Ils ont 68 ans et ils te portent. Mais moi, ça me rappelle un autre artiste, un petit vieux qui s'appelle Normand Lamour. Ah oui, Normand Lamour. Ouais. On peut en parler. Alors, comment connaître Normand Lamour? Bah, je pense qu'il faut taper Normand Lamour sur YouTube. Il me semble que la musique s'appelle La Poignée de Porte. Ah oui, La Poignée de Porte, mais c'est génial. En fait, ouais. ce type-là, c'est pas seulement un grand artiste, c'est un novateur. Ouais. Parce que par les instruments qu'il utilise, par la musique qu'il utilise, ses paroles sont poignantes, ouais. Je pense qu'on peut le dire mais, comme ça. Tu peux pas nous mettre un petit extrait là, de 10 secondes? Bon, bah d'accord. Franchement. Allez, c'est vraiment parce que tu le demandes. Ouais. Fais du remplissage pendant... Ah pardon. Ah non, non mais moi je pense qu'il faut vraiment un moment de silence pour attendre et écouter la prophétie. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est une prophétie pour vous. Allez, c'est parti. Allez, Normand Lamour, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Il voulait. C'est bien, on est vraiment dans le troisième âge. Est-ce que vous pensez pas que Haro en français, il aurait un peu cette voix? Il y a moyen. Mais le pire, c'est qu'avec Jules, on se l'est passé pendant toute journée cette chanson. Et j'ai eu cette chanson dans la tête pendant 4 jours. Et du coup, mon copain venait et j'étais en train de lui. Tu venais faire une petite visite. Voilà, c'est. Alors justement, ça m'invite à vous demander, justement, parce que moi j'étais invitée pour ce podcast à parler de Twilight, mais j'aimerais comprendre et savoir. D'où comment, vous est venue l'idée? Ouais. Comment? Pourquoi? Bah, tout a commencé lors d'une soirée chez moi, avec Coupin. Et en fait, comme d'habitude, bah, on commence avec un petit zap de spion, on se met cosy sur mon canapé. Comme on aime les appeler 20 minutes sans douleur. Voilà, nos 20 minutes sans douleur, qui s'étend plutôt 1h30 sans douleur. Et on est en train de boire des bières, et puis en fait, on cherchait un nanar, on cherchait un film mauvais à regarder, parce que c'est un peu notre passion. Et là, je me suis tournée vers lui, et j'ai fait, mais attends, mais t'as jamais vu Twilight? Il m'a dit, non, je veux pas regarder ça. J'ai fait, mais attends, mais tu passes à côté de quelque chose, quoi, parce que c'est une expérience à part entière. J'étais dans le tort. Ah ouais, franchement. Et donc, du coup, je l'ai forcé, donc on les a téléchargés, évidemment, en français, hein, parce que ça se regarde en français. Et très vite, des jeux à boire nous sont venus en tête. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, donc en fait, on a commencé par le cinquième. Hein, voilà, pourquoi pas, parce qu'on s'en fout. On buvait à chaque fois qu'une réplique n'avait aucun sens. Ah oui, non, mais on a fini par terre, on a fini à quatre pattes. On buvait à chaque fois que la femme avait besoin d'un mec, et parce qu'elle est complètement incapable de faire quoi que ce soit. Et de fil en aiguille, c'est devenu un peu un rituel pendant 2-3 jours. Où on s'est enfilé tous les films avec moult discussions. C'était à la fois horrible mais à la fois très à bon. La fois, ouais, c'était on était cosy quoi. Franchement, on était yambes. Ouais, mais je vous comprends, mais c'est pour ça que après ça, je comprends que vous ayez envie de faire une émission parce qu'il faut partager l'expérience. Ah ouais, c'est non ça. Mais carrément. Et donc je pense que nous allons plonger la tête la première dans le dossier. Bon, avant... Des films terribles. Des vampires qui brillent au soleil. Le cancer sur pellicule. Les métastases en cascade. Les gens qui brillent, les bourgeois. Des loups-garous tout nus. Des tétons en foison. Oh oui, tout nus. Sur mon visage. Des répliques de l'extrême. Un enfant en 3D. Twilight. Donc bon, je pense que l'on va pouvoir commencer le dossier. Donc Twilight. Est-ce qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que c'est le turbo cancer de la vie? Ouais, franchement, ouais. Alors, je pense qu'il va falloir expliquer ce turbo cancer. Ouais, faut raconter l'histoire. Et comment est-ce qu'on va expliquer ce turbo cancer? Eh ben, ça va nous prendre de temps. Ça va nous prendre 2 heures au moins. Mais on va pouvoir vous expliquer ça bien. Ouais. Et vous montrer à quel point on a pu souffrir. Ouais. Parce que après, moi aussi, je me suis fait l'effort ouais. Pour re-regarder Twilight. Bah oui, bien sûr. Et là, c'était dur. Moi, je vais faire une petite confession. C'est-à-dire que quand j'avais 15 ans, j'avais un Skyblog et j'entendais parler de des livres, le premier tome Fascination, et je me suis laissée embrigader et j'ai lu les livres. Et en fait, je les ai appréciés à l'époque au premier degré. Rappelons que ta mère a dû te forcer pour lire Harry Potter et tu allais vers ouais, toi-même, vers mais Twilight. Oui. Mais oui, parce que tu vois, je sortais de la phase de latence, j'avais ma sexualité qui s'éveillait, c'était parfait. Écoutez, c'était parfait. Je vais vous avouer un truc aussi. J'ai demandé le premier tome à Noël. Ouais, c'est bien. J'ai demandé le premier tome à Noël quand j'étais jeune. Il faut faire son coming out. Je l'avais vu comme ça, j'avais vu la couverture noire avec la fleur et la pomme, je ne sais plus. Ouais. Mais j'avais 13 ans et je me suis dit, écoute, ce livre, c'est un pavé. C'est un pavé qui va me plaire. Ça me donnait envie. Bah oui. Et il m'a plu. Ah bah oui, moi aussi. Et il m'a plu. Mais c'est ça aussi qui est intéressant. On va en parler de pourquoi ça plaît plus tard. Mais avant toute chose, je pense avant d'entrer dans le vif du Twilight, on va un peu parler du vampire. Enfin, comment on en est arrivé là. Disons que... Qu'est-ce que c'était le vampire avant, quoi ? Bah, dans le calendrier zéro de l'apocalypse culturelle, qui est donc Twilight... Il y a eu des trucs avant. Ouais. On n'en est pas arrivé là par hasard. C'est comme la Seconde Guerre mondiale. Genre, c'est pas les nazis qui ont popé comme ça. C'est vrai. C'est pareil. Twilight, il a pas popé comme ça. Il n'est pas arrivé comme ça. Ouais. Et il faut pas juger, en fait. Il faut comprendre. Comprendre comment on en est arrivé là. Et c'est ce qu'on va tenter de faire là pendant cette partie. Ouais. Première partie, Twilight. Voilà. Comment on en est arrivé là. Donc, un petit topo sur le vampire avant. Oui, c'est ça. Parce que le vampire, mine de rien... Avant Twilight, il y a eu une existence. Ah oui, c'est et ça. Et comment le vampire est rentré dans la culture pop comme ça et qu'il a été redigéré jusqu'à être chié sous la forme Twilight. C'est clair. Bah, je vais expliquer ça, faire un petit topo historique. Donc on va faire un petit rappel. Le vampire, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est un type de revenant, un mort-vivant qui se nourrit du sang des vivants. Et en fait, la légende puise ses origines dans des traditions mythologiques anciennes et diverses. Et en fait, ce qui est marrant avec le vampire, c'est que ça se retrouve dans toutes les cultures, aussi bien dans la Grèce antique, en Afrique, en Asie et en Europe. Donc, pour faire un rappel, le vampire, il se nourrit de sang humain, il vit la nuit, il craint le soleil, il peut se transformer en animaux, rat, chauve-souris, chat, etc. Il a des pouvoirs magiques, il peut voler, se rendre invisible, lire dans les pensées, il a une force surhumaine, il contrôle les humains, etc. Il contrôle les humains ? Ouais, par la pensée. Ah bon ? Ouais. Ok. Bah, tu te rappelles pas dans Vampire en toute intimité, cette scène où il est en mode « Mais si, on l'a vu Vampire en toute intimité !» Ah si, Vampire en toute intimité. Il est en mode « See me !» Tu sais, il est derrière la fenêtre, il essaye d'attirer des victimes. Tu viens de me faire comprendre une révélation sur un film. Ouais. Quel film ? Le premier podcast de Goupin comme cochon sur les documentaires, où tu parles de What We Do in the Shadows. Ouais. Vampire en toute intimité, du coup. Oui, Vampire en toute intimité, évidemment. Où il y en a un, je sais plus comment il s'appelle, qui est derrière la fenêtre et qui fait... C'est Vlad. C'est ça. Okay. Bah, d'ailleurs, je vais parler de Vlad Lampaleur. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec Vampire en toute intimité, c'est que ça reprend, d'une manière parodique, tout ce qui a un trait avec le vampire. Donc après, il y a eu le roman de Bram Stoker, Dracula. En fait, au début, le vampire, il est décrit comme très laid. Il a des épais sourcils, il est courbé, il a des mains aux longs ongles, etc. Et aujourd'hui, et depuis les années 90 environ, le vampire, c'est devenu sexy, jeune et désirable. Mais ça, on va comprendre. Donc... Oui, parce que moi, le premier truc que j'ai avec le vampire, c'était Nosferatu en troisième, et c'était l'enfer. Ouais, c'est l'enfer, ce film. Ouais. pas hyper sexy, hein, le type. Non, pas vraiment. Mais il y avait déjà un lien avec la sexualité à l'époque. Donc alors, comment ça se fait qu'il y a une universalité du mythe du vampire ? En fait, on peut parler déjà des phénomènes de décomposition des cadavres, des maladies comme la tuberculose, la rage, la porphyrie, ou le vampirisme clinique. Qui affecte les tueurs en série, qui consomment du sang humain. Mais je vais revenir sur le vampirisme clinique. Donc, dès 1679, Oui, j'ai fait mes recherches. Hein. ouais. Un homme qui s'appelle Philippe Rohr consacre une dissertation aux morts qui mâchent leur linceul dans leur tombe. Ensuite, on a Augustin Calmet, un théologien français, qui écrit un traité de vampirologie en 1746 et qui considère que le vampirisme est la conséquence de la sous-alimentation des peuples balkaniques. Rappelons qu'on a cru aux licornes jusqu'au 18e siècle. Hein. Et oui. C'est revenu il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est vrai. Donc après, on a eu en 1897 Dracula, qui reste la quintessence du genre et qui établit une image du vampire toujours populaire de nos jours dans les ouvrages de fiction. Même s'il est assez éloigné des ancêtres folkloriques avec lesquels il conserve peu de points communs. Dans les ouvrages de fiction ou dans les jeux vidéo, t'as la série des Castlevania qui pour le coup, utilise le folklore du vampire très romantique, très gothique. Moi, j'ai lu Dracula Bram Stoker, et c'est très très bien respecté. Le vampire a le teint pâle, très très con, très romantique, avec les dents, son amour déchu, etc. Ouais. C'est très... Après, c'est un jeu vidéo, hein, mais... Enfin, c'est bien amené. C'est bien amené. Tout à fait. Selon Paul Barber, dans Vampires, Burial and Death, la croyance des vampires est née dans les cultures pré-industrielles afin de donner du sens à des phénomènes étranges, mais scientifiquement explicables, liés au processus de la décomposition des cadavres. Donc, des figures qui ont inspiré les légendes de vampires, on peut parler de Elisabeth Báthory, une aristocrate Bathory. Hongroise qui a vécu au XVIe et XVIIe siècle et qui aurait torturé et tué un nombre incertain de jeunes filles. Et en fait, elle aurait commencé par tuer des jeunes paysannes, puis des filles de la petite noblesse. Et ça, c'était avant ou après Vlad l'Empaleur? Vlad l'Empaleur, c'est XVe siècle. Et oui, donc c'est après. Ouais. Mais je vais en parler après de Vlad l'Empaleur. D'accord. En fait, des gens prétendent qu'elle les tuait dans le but de se baigner dans leur sang. Afin de rester éternellement jeune. Donc Vlad III l'Empaleur, il est fortement associé au mythe du vampire, en raison de l'amalgame commis entre cette personnalité historique du XVe siècle et le personnage littéraire de Bram Stoker. Rappelons, pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Donc la source de la légende est une propagande lancée à l'époque contre le prince, qui était sanguinaire, mais il n'était pas plus que les autres. Et il aurait fait empaler 20 000 soldats turcs, et c'est déjà pas mal quand même. Ouais. Et il reste connu dans l'imaginaire collectif sous le nom de Vlad l'Empaleur. Et d'ailleurs, c'est un des personnages dans Vampire en toute intimité, qui dit « I was known as Vlad the Poker », et qui est joué par Jemaine Clément. Alors, le vampirisme clinique, c'est un comportement qui consiste en l'ingestion de sang. Elle naît généralement de l'ingestion accidentelle de son propre sang durant l'enfance et peut mener à la zoophagie. Oh, j'ai vu mon sang. Mais non, mais tu sais, quand t'es enfant, tu te fais mal, tu... Enfin, par exemple, si tu te fais mal au doigt, tu vas sucer ton sang. Ouais, ouais, mais ça, c'est normal parce qu'en fait, c'est... minute biologie évolutive, c'est un truc qui est super cool parce que dans notre salive, en fait, on a des cicatrisants et des anti... Des coagulants. Des coagulants et des antibactériens aussi. Moi j'aimais pas faire ça, je trouve que j'aimais pas le goût du sang quand j'étais petite. T'aurais pas survécu dans un monde préhistorique. Ah bah non. Et dans un monde de vampires. Et donc se lécher les plaies en fait, c'est quelque chose qui est bien pour les plaies. Tout à fait. C'est ce que font les animaux, et, parce que dans la salive c'est un pré-pansement. C'était un petit conseil biologique de la part de Jules. C'est ça. Donc ce comportement est le symptôme d'une affection psychiatrique qui conduit à un ensemble de pratiques déviantes, telles la nécrophagie, la nécrophilie et le nécrosadisme. Ou encore c'est le boudin de règles. oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'était nous qui voulait faire un restaurant en utilisant nos cups, où on ferait des petits plats à base du sang de nos règles. Non, mais on voulait, on est en réflexion. On est en train de le faire. On vous en reparlera plus tard. Moi, j'ai déjà monté la SARL. Ah bah voilà. Très bien. Donc alors, le vampirisme. Donc c'est là qu'on arrive peu à peu à Twilight. C'est en relation étroite avec la sexualité. Et selon Jean Marcal, qui pense que le rapport entre le vampire et sa victime il ne peut s'exprimer qu'au travers d'une attirance amoureuse. Et comme le font remarquer beaucoup d'auteurs, le folklore vampirique, les dents rétractiles, le baiser qui devient morsure, tout ça, c'est une métaphore de l'acte sexuel. Et les canines qui se mettent à pousser chez la personne atteinte de vampirisme, c'est un symbole phallique universel. Et d'ailleurs, dans la série True Blood, quand un vampire est sexuellement excité, ses canines sortent, un peu comme en parallèle de l'érection, quoi. Et est-ce que la blancheur de leur peau, ça a trait à la couleur du sperme? Du sperme. Oui. Je sais pas trop, moi. Vous parlez bien du foutre, là. On essaie d'être décent, écoute. Ben pas d'effort. Bon, allez, pour parler un peu de psychologie, selon Carl Jung et Joseph Campbell, le vampire est le symbole de la part de soi non dissimulée, l'ombre. Oh. Oh. Et c'est une tentative d'explication des processus psychiques survenant dans les sociétés peu développées. Donc en gros, le vampire, c'est... Ouais. Okay. C'est l'ombre, c'est ce que tu voulais dire ? Oui, c'est ça, le vampire, c'est l'ombre, le vampire, c'est l'obscurité, le vampire, c'est nos plus sombres pulsions. Tout à fait. Non mais c'est ça en fait. C'est, bah jamais ouais. Au soleil, on a dit le vampire jamais au soleil. Non mais le vampire qui représente quand même quelque chose d'assez psychopathique quoi, qui n'a pas trop d'empathie, qui va tuer les autres et qui a envie de sexe, c'est assez proche de l'individuation qu'on a quand on grandit et qui peut devenir assez chiante pour certaines sociétés quand t'as trop d'individus qui se mettent à s'individualiser, qui ont envie de baiser des gens, faire l'amour à des gens et qui se mettent à faire être dans le donjon, ça nuit à la cohésion de la société. Je pense que c'est... Je pense que ça peut aussi être un exutoire de ce sentiment de non-cohésion dans la société. Peut-être bien. Je sais pas, moi. Alors, oui. Non, mais je pensais que tu me diras, essayer de trouver une société de vampires où tout le monde mange les autres, qui soit une bonne société, ça va être compliqué. Il y avait un film avec Ethan Hawke, d'ailleurs. Société. Qui soit notre société. Donc alors, Nosferatu le vampire... qui date de 1922. C'est un film muet allemand réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau. Oui, c'est une purge. Oui, vraiment, c'est irregardable. En fait, ça se met dans ça s'inscrit dans la branche, dans le courant artistique de l'expressionnisme allemand. Oh, c'est horrible. Ouais, qui est en gros un truc en noir et blanc. Avec des violons qui crient tout le temps. Ouais, c'est ça. Bah, en gros, c'est un peu les précurseurs de l'horreur. Mais c'est le premier film d'horreur d'ailleurs. C'est l'horreur à la fois pour le spectateur et pour ce qui se passe sur l'écran. Parce que l'expressionnisme allemand, en gros, ils n'avaient pas encore ni la couleur ni le son. Donc c'est juste des gens qui tirent des tronches absolument affreuses. Enfin, ouais. C'est pas très radiophonique, mais je tire une tronche d'effrayée devant des trucs que l'on ne peut pas voir. Ou alors, quand on peut les voir, ça fait très carton-pâte aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et beaucoup de gens se pignolent dessus et se paluchent. Oh, c'est de l'art, c'est le prix que sort du cinoche, mais... Tu le fais très très bien. Ouais, non mais c'est les critiques universitaires à deux balles qui vont te sortir des analyses très poussées alors que c'était juste des gens qui ont vu un nouveau médium et qui ont commencé à faire leur tambouille dessus, mais voilà quoi, faut se calmer. C'est vrai. Faudrait se calmer dans la vie en fait. Faudrait se calmer sur Twilight aussi hein, parce que y a beaucoup de jeunes filles qui ont adoré Twilight. J'en ai fait partie pendant un temps, ok. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais on s'est vite calmés toutes les deux, Mathilde. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc calmez-vous. Twilight, c'est nul. Bon. Hein. Et donc, Nosferatu, expressionnisme allemand, mes couilles sur ton front. C'est ça. Après, il y a eu Dracula, de Francis Ford Coppola, sorti en 1992 avec Gary Oldman, Winona Ryder et Keanu Reeves. Et il y a Tom Waits qui joue dedans aussi. Tout à fait. Et en fait, c'est... Ça présente Dracula plutôt comme une victime d'une malédiction, enfin que comme un monstre, et il met également en avant le côté très érotique du roman. Il introduit une romance entre Dracula et Mina Murray. Et après, on a eu un film que j'adore qui s'appelle Entretien avec un vampire de Neil Jordan, qui est sorti en 1994, c'est avec Tom Cruise et Brad Pitt. Qui est d'ailleurs un des seuls films sur les vampires qui est regardable pour moi. Ouais, non, mais vraiment, il est excellent. Il y a Underworld aussi. Oui, mais justement, j'en parle après. Troll. Énorme troll. C'est adapté du roman du même nom de Anne Rice. Anne Rice qui a fait un travail sur le mythe de vampire qui est incroyable. Je vous conseille son œuvre, c'est trop bien. Genre, elle en a fait une vingtaine. Et lisez ça, quoi, c'est trop stylé. Et en fait, la figure, là, à partir de ce moment-là, du vampire, elle devient purement romantique. C'est un être maudit qui souffre, qui refuse sa nature de damné. Et d'ailleurs, dans Entretien avec un vampire, les vampires sont joués par deux sexes symboles des années 90. Enfin, je veux dire, en plus, t'as Antonio Banderas. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Et après... N'importe qui. Oui, c'est Antonio Bandera, d'ailleurs. Ne dit-on pas. Ta gueule. Merci, Jules. Et après, il y a eu, dans la même veine des années 90, il y a eu Buffy contre les vampires. Et en fait, les créatures, elles sont laides quand elles se transforment, mais c'est quand même des beaux gosses, tu vois. Et Buffy, elle entretient des relations amoureuses avec plusieurs vampires. Et donc du coup, là, on retrouve le trope human vampire. Genre, la relation interdite, l'amour interdit, l'amour maudit. Après, il y a eu les blockbusters des années 2000, donc Blade ou Underworld. Blade. Ah, Blade, mais c'est inregardable. Blade. Vraiment, c'est horrible. Blade 1, alors, Blade 2, Blade 3. Sur une échelle de Twilight regardable, Blade, il est où? Bah, franchement, Twilight, c'est un plaisir à côté de Blade. Non, bah. Parce qu'on a, essayé de se bourrer la gueule sur Blade et je me suis endormie. Enfin, c'était horrible. C'était même pas drôle, en fait. Et puis, la symbolique est super chelou. Enfin... Enfin, il y a sa mère qui lui roule pas une pelle, mais qui l'embrasse et qui est en train de le chauffer à mort alors qu'il est en train de se faire scarifier en mode Jésus. Enfin, ouais, ça c'est. C'est vraiment de la merde. Je m'en rappelle même plus. Bah, en fait, ce film est nul et. Puis c'est un montage épileptique aussi. Aussi, ouais, et en plus, c'est un dégueulis d'effets spéciaux. CGI est complètement pourri. Dans cette scène où il porte des casques de moto. Pour pas être immolé par le soleil. Donc, rapidos. Donc, il y a, en gros, t'as les vieux vampires qui sont en mode, non, il y a pas de nouveaux vampires, il y a que les vieux vampires qui font les bons. Et t'as les nouveaux vampires qui sont en mode, non, nous, on est la jeunesse, on a du sang nouveau, on va tous vous déboîter. Et en gros, ces nouveaux vampires, ils prennent un vieux vampire et ils vont le foutre au soleil. Sauf que, vous êtes au courant comme moi que les vampires, ils brûlent au soleil, n'est-ce pas? Sauf dans toilette. On en parlera. et ben là, en fait, pour que eux ne soient pas touchés et se mettent pas à brûler, devinez ce qu'ils font. Mettre de la crème solaire. Oui, c'est ça. Mettent de la crème solaire. Ouais, ils mettent en indistinguante et des casques de moto. Cette scène est ridicule. Vraiment. C'est affreux. Mais le pire, c'est que déjà, on s'est infligé Blade 1. Mm. Et je pensais que ce film, c'était. C'est bon, c'était fini. La licence était atomisée. Mais non, parce qu'il y a eu Blade 2. Réalisé par Guillermo del Toro. Ouais. Qui je l'ai pas encore vu. Non, mais. Aussi, on le regardera. Et il faut croire que. But wait, there's more! Ouais. Parce qu'il y a Blade Trinity, qui est le troisième Blade. Mm. Enfin, donc voilà, Blade. C'est comme les Underworld, hein, il y en a eu énormément. Ouais. Enfin, je vous rappelle que Twilight, on en a eu 5. Hein, donc... Là, on est sur un potentiel quand même assez impressionnant. Vous vous rendez compte qu'on a peut-être passé à peu près 10 heures de notre vie à mater Twilight. Mais c'est très bien, je ne regrette rien. Mais bref, on s'éloigne. Donc, dans la série True Blood, le sang du vampire devient une drogue. Et en fait, ce sont littéralement des bêtes de sexe. C'est-à-dire que le sexe avec un vampire, ça offre des extases pas possibles. D'ailleurs, la série de HBO est très sexuelle. On a le droit à des scènes explicites tout le temps. Et les vampires sont joués par des acteurs canons qui ont des super pouvoirs. Donc, Twilight, ça a un peu pérennisé la figure du vampire Minet. Parce qu'après, il y a eu Vampire Diaries. Ouais, c'est ça. Et en fait, le vampire, c'est devenu vraiment un fétiche pour Minette, plutôt qu'un véritable monstre. Même si la sexualité est toujours présente. Mais justement, c'est vachement intéressant d'étudier la sexualité dans Twilight. Donc, on va peut-être passer à Twilight maintenant. Bah non, parce que dans Twilight, on a les loups-garous d'un côté. Non, les vampires d'un côté, mais on a aussi les loups-garous. Mais pourquoi? C'est vrai. Pourquoi cette haine séculaire entre les vampires et les loups-garous? Parce que je pense qu'on est tous d'accord, quand on imagine un adversaire naturel aux vampires, on a les loups-garous. Mmh. Mais pourquoi les loups-garous et les vampires se sont toujours autant opposés? Alors justement, c'est la grande question et c'est le grand problème. Parce qu'en faisant mes recherches, déjà d'une part, Twilight, il se délie complètement de ce problème qu'ils auraient eu peut-être un peu du mal à expliquer. Parce que Edward Cullen, le vampire, dit dans le tome 3 du livre que la famille amérindienne, donc qui représente la meute des loups-garous... Les Killeutes. Les Killeutes, tout à fait. Ouais. Ne sont en fait pas des loups-garous, mais des métamorphes. Mm. Sans aucune explication. Non, bah non, il n'y en a jamais. J'en ai jamais. Mais alors du coup, moi, je me suis un peu renseignée sur les loups-garous parce que je me suis dit qu'on parlait de Twilight et on parlait beaucoup des vampires, mais qu'en est-il du loup-garou? Mm. Qu'en est-il de ces êtres qui sont toujours torse nu? Oui, ah bah oui, oui, voilà, oui. Et qui avec sont leurs tétons tout durs. Bien reconnaissables face aux vampires qui sont tout blancs, qui sont tous huilés. Les tétons tout durs. Avec les tétons tout durs, évidemment. Alors du coup, j'ai fait des petites recherches sur le loup-garou. Donc le loup-garou, principalement, il est défini dans le Moyen-Âge et dans la Renaissance. Il y a beaucoup de légendes et de littérature dessus. Donc le loup-garou, avant tout, dans le... la littérature, on peut appeler ça le lycanthrope. Lycanthrope. Donc lycanthrope qui vient de lycanthropos, du grec lycos, le loup, et anthropos, l'être humain. Oh. Donc ce serait au final un mix entre le loup et l'être humain, ce qui paraît logique. Alors, le loup-garou, il y a plusieurs choses dessus. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de légendes. qui sont toutes assez différentes dans chaque pays et dans chaque continent. Ah, parce que le loup-garou, c'est comme le vampire, on le retrouve à peu près dans toutes les cultures. Le loup-garou, ouais, on le retrouve à peu près dans toutes les cultures, sous différentes formes et sous différents noms. Mais ce qui est important, et moi ce que j'ai trouvé assez drôle en faisant mes recherches, c'est qu'en fait, dans chaque pays, il est associé à une autre créature un peu mystique, différente les unes des autres. Par exemple, en Norvège, le loup-garou, il est associé au troll. Parce que, en fait, le loup-garou, donc, il a la faculté de se transformer et de revenir à une forme humaine de sa propre volonté. Et donc, selon le mythe norvégien, c'est transmis par la trollmène, donc, qui est une entité déitique. Et donc, en fait, c'est cette entité déitique, la trollmène, elle produit des trolls. Mais des trolls qui sont aussi des loups-garous. Ah, et donc c'est pas comme dans Troll 2, quoi. C'est pas, comme dans Troll 2. Je n'ai pas la suite de Troll 1. Mais alors, le plus intéressant, c'est les mythes des Balkans. Parce que les mythes des Balkans, justement, moi, c'est ce qui m'a interrogé, c'est que le loup-garou, c'est des sorcières vampiriques qui sucent le sang des hommes, qui sont nés le jour de la pleine lune. Donc, qui les transforment en loup-garou. Donc, l'être humain devient pâle, il a les orbites creuses, il a un visage émacié, il a des bras flasques. Ah, ça? Oui, et donc en gros, enfin, ce serait un bon cocaïnomane de nos jours. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est un peu ça. Et le problème, c'est que justement, bah, dans les Balkans et dans l'Est, dans l'Europe de l'Est, on associe vachement le loup-garou au vampire. En fait, il est un peu mixé, c'est un peu les deux en même temps. Donc, en faisant mes recherches, j'ai pas réussi à trouver le pourquoi du comment. Quand tu dis justement et que tu parles du vampire, du fait qu'il peut se transformer de toute forme animale, ce serait peut-être de là que ça vient. Mais la plus grande mystique qu'on connaît du loup-garou, c'est un mythe grec, le mythe grec de Lycaon. Donc Lycaon, c'est le roi d'Arcadie, qui est très cruel, et les dieux veulent le punir. Et donc pour le punir, les dieux vont se transformer en mendiant et mettre à l'épreuve Lycaon. Lycaon, il est pas con non plus. Il se rend compte que c'est les dieux, il se dit « Ah ok, vas-y, je vais les inviter pour un banquet. » Mais ce que je vais faire, bah, c'est poli, que, quoi. Vu que mon petit-fils... m'intéresse pas vraiment, je vais le buter et je vais en faire un repas. À la grecque. À la grecque, voilà, tranquille. J'aime bien se manger entre eux. Voilà, et donc du coup, il tue son petit-fils Arcas et il le donne à manger aux dieux. Les dieux, évidemment, ils s'en rendent compte parce que les dieux, ils sont un peu au-dessus de tout. Et donc, ils proposent le sympathique châtiment de transformer Lycaon en loup. Ah. Et donc, en fait, Lycaon serait un des premiers loups-garous qui a été transformé par châtiment à cause des dieux. Mais donc lui, il est transformé de manière permanente. Ouais, alors lui, il est transformé de manière permanente. Après, dans mes recherches, ce que j'ai beaucoup trouvé aussi, c'est les transformations de loup-garou pendant 7 ans. Donc ça, en fait, ça revient à la religion catholique, qui est très présente dans le mythe des loups-garous, où il y a cette histoire, donc le 7, qui est une sorte de nombre mystique qui revient souvent. Pendant 7 ans, une personne peut être transformée parce qu'elle a été maudite, parce qu'elle a mangé de la chair un vendredi saint. Mon Dieu. Et donc, du coup, en fait. Les traditions se perdent. Mais les traditions se perdent. Hein. Donc, il peut être transformé pendant 7 ans. Il y a beaucoup de manières de se transformer en vampire, dont je vous parlerai après. Mais au fil des ans, donc du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, parce que de nos jours aussi. Il y a des histoires de loups-garous, dont une très drôle, qui est le dernier cas que j'ai pu répertorier en 2003, à Lausanne. Le tribunal d'instance de Lausanne a fait un procès à un homme qui a tué sa femme à coups de couteau. La base. Et donc cet homme explique pourquoi il a tué sa femme en disant « J'ai vu ses canines pousser, elles dégageaient une odeur étrange comme celle d'un loup-garou. » La bonne psychose des familles. Ouais. Voilà, avec le psychiatre qui dit « Oh non, tout va bien, il va bien. » Alors moi, je me suis quand même posé la question Non, mais les Suisses, ils sont neutres de toute manière. C'est vrai. Mais d'où ils connaissent l'odeur d'un loup-garou ? Attends, mais Lausanne, c'est bien en Suisse ? Oui, Lausanne, c'est bien en Suisse. C'est bon, ouais, ça sentait le chien mouillé, c'est pour et ça. Voilà, c'est pour ça que tu te dis, ah, ça sent le chien mouillé, c'est un loup-garou, évidemment. Ah bah voilà, ça paraît logique. Hein. Comme des vampires, on en croise tous les jours, mais on s'en rend pas compte. Ouais. Ah, les ravages de la campagne. Mais c'est une super bonne idée, du coup, dès que tu veux te débarrasser de ton conjoint... Il est en train de se transformer en loup-garou, madame. Moi, c'est pas ce que j'avais à faire. Il sentait mauvais, ça sentait le chien, je l'ai tué. Et voilà, et il y a plusieurs choses donc, qu'on peut retrouver dans plusieurs cultures pour, qui se rapprochent de nos jours au mythe du loup-garou. Donc, en Irlande, par exemple, Les prêtres et les saints ont un pouvoir de transformation. Ouais. Et donc, Saint Patrick, qu'on connaît tous... Les saints, ça transforme un homme. Saviez-vous qu'il avait... Moment rire. Saviez-vous qu'il a transformé le roi Gallia Vereticus en loup-garou? Ah, le PD. Voilà. Ah bah, donc, Saint Patrick, ça se fait pas, ouais. On boit à sa santé assez régulièrement, mais attention, moi. Il déconne pas, hein. Ouais. Alors, en Russie, si vous voulez aussi des petits tips pour transformer les gens en loup-garou, il y a les chants du peuple russe, écrits par William Sheldon Ralston, donc qui est en fait une incantation courante pour donner la lycanthropie aux autres. Donc lycanthropie, ah ouais, qui est un terme clinique, une maladie clinique, en fait, qui te donne... c'est une maladie mentale qui est en lien avec la mélancolie et apparemment la culpabilité des crimes. Donc en fait, le loup-garou, il est communément admis qu'il se transforme, souvent les soirs de pleine lune, et qu'il commet des crimes, mais que le lendemain, il s'en rappelle pas forcément. Et le jour où il se rend compte qu'il a tué des gens, là, il a une culpabilité de l'extrême de ses crimes. Et du coup, ce qui peut en fait donner une maladie qui à la fois le transforme en loup-garou et où à la fois, du coup, il devient malade mental par la lycanthropie. Non. Très psychanalytique tout ça, quand même. Hein. Ouais, t'as vu. Alors, j'ai remarqué aussi en Amérique latine quelque chose d'assez drôle, qui date de 1920. Donc en fait, dans les mythes communs, le septième garçon issu d'une famille pauvre se transforme en loup-garou. Donc en 1920, il y a en Argentine, il y a une loi qui a été créée où le président devenait parrain des septièmes enfants garçons pour éviter qu'en fait les parents abandonnent leurs enfants à cause du mythe. Ah ouais. D'accord. Oui. Et du coup, je vais terminer déjà. Alors, je vais terminer par deux choses. Les étiquettes des loups-garous et comment reconnaître et devenir un loup-garou. Mmh. Ah. Donc, les étiquettes du loup-garou en général, ce sont des gros buveurs qui ont un rapport à la bière. Si tu mélanges du sang avec de la bière, tu peux devenir un loup-garou. Ils mangent en général de jeunes enfants. Faites attention. Si vous avez laisse un enfant, traîner ton fils, quand même. Laisse pas traîner ton fils, tout à fait. Si tu veux pas qu'il glisse. Ils sont en lien avec le démon, ils sont en lien avec la pleine lune, évidemment. Oh, c'est le démon, là. Ils craignent le métal argent. Ils craignent aussi l'eau bénite et le crucifix. Avec les vampires. En donc, fait, c'est des gros rappeurs, quoi. Ils craignent l'argent, ils transforment, ils laissent pas traîner leur fils. Attention. Mais oui, mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils voulaient porter des colliers avec le dollar, mais ils n'ont jamais pu parce que... Avec le dollar. Ah, le dollar. Mais parce qu'ils étaient... Il y avait vraiment une période où le dollar était vraiment que fait en argent. Du coup, ça leur brûlait la peau. Donc ils pas... Et il y a cette scène aussi dans Vampire en toute intimité où t'as Viago qui dit « Elle m'a offert un médaillon en argent. » Et tu sais, il la porte. Et tu sais, t'as cette musique. C'est une scène très malaisante. Non, vraiment, regardez ce film. Alors, donc, du coup, bah, je vais vous donner des petits tips pour devenir un loup-garou. Mais moi, j'ai juste une question pour terminer sur l'historique des loups-garous. Est-ce que Garou est un loup-garou? Oh ! Alors, punaise ! Il y a plusieurs théories là-dessus. Ah. La plus grosse théorie étant, bah, justement, quand je vais te parler de comment reconnaître un loup-garou, le loup-garou peut se reconnaître très facilement par ses poils. Et sa voix rauque ? Ah, ouais. Alors, sa voix rauque, pas forcément, parce qu'ils peuvent la cacher. Mais tu prends François Fillon, par exemple. Ah. C'est-à-dire que... On l'a pas dit, et c'est pour ça qu'il est pas président, mais ses sourcils dénotent vraiment d'une lycanthropie intense. DSK aussi, du coup, non ? Bah, DSK aussi. Ouais, bah, ouais. Le sexe, tout ça, genre, ouais. À partir du moment où il se transforme, il devient peignoirman. Et... Bah, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Oh là là, on en a. Alors, pour devenir un loup-garou, il y a plusieurs possibilités. Donc, depuis le XXe siècle, pas avant, on peut maintenant devenir un loup-garou en se faisant mordre par un loup. Classique. Voilà. C'est mais comme alors, ça dans Harry Potter aussi. Oui, mais cette morsure, moi, ça me rappelle plus le vampire. Donc oui. Du coup, ça rappelle le mythe des Balkans. Mais non, parce que le vampire, tu deviens vampire si tu bois du sang de vampire. Ah, c'est pas si tu te fais mordre ? Non. Bon, après, communément admis aujourd'hui. Les versions divergent. Mais ouais, comment devient-on loup-garou ? Alors, pour devenir un loup-garou, vous prenez un soir de pleine lune. Le mieux étant un soir de pleine lune rousse. Ok. Là, vous êtes au top. On est bien. On est voilà, bien. On est bien. Ouais. Ouais. Bah, en 1848, par exemple, il y a eu une épidémie de lycanthropie à cause de lune rousse à répétition. Ah, pas cool. Ouais, c'était une mauvaise année. Ouais. Mauvaise année. Pourtant, il venait de sortir de la guerre et tout. Ouais. Les meilleurs partent les premiers. Bah oui. Après, ce qu'on peut proposer aussi pour les hommes, c'est de dormir la nuit seul avec la lune qui éclaire son visage. Et le mieux étant un mercredi ou un vendredi. Ah, okay. Vous pouvez aussi aller rechercher dans les magasins des malédictions. Ouais. Alors là, il faut les bonnes prononciations. Des pattes de lapin, tout ça. C'est un peu compliqué. Non, alors, t'as aussi une autre option qui peut être te revêtir d'une peau de loup-garou ou d'une ceinture magique de peau d'animal. D'accord. Voilà. Mais alors, avec ça, il va falloir vraiment rechercher parce qu'il te faut des onguents particuliers. Mmh. Tu peux boire de la bière avec du sang mêlé. Ouais. Tu peux boire à la source où les loups boivent, si t'as une forêt à côté de chez toi. Mmh. Tu peux boire de l'eau. De l'eau stagnante qui est restée de l'eau stagnante, donc pas de l'eau vive qui est restée dans l'empreinte d'un loup qui est passé dans la forêt. Si t'as faim aussi, tu peux manger ton partenaire, un ami, un passant, le vendredi soir. Ouais. Voilà, le vendredi saint. Un humain, quoi. Voilà, un mais petit enfant. Uniquement si t'es catholique. Si t'es athée, ça ne fonctionne pas. Ah merde. Ouais, il faut d'abord se confessionner. Donc il n'y a pas de loup-garou musulman. Alors, pas encore. Est-ce qu'il y a des loups-garous juifs ? Non. Ah ouais ? Je suis désolée, c'est réservé au catholicisme. Ah merde ! Ouais. Bon, bah c'est tant dommage. Pis alors. Ouais. Alors, pourtant, tu me diras, les Amérindiens, c'est pas très catholique, mais pourquoi pas ? Ah bah oui. Alors ensuite, tu peux manger de la chair humaine durant un banquet donné. Manger de la chair en... humaine et non pas du cerf humain. Hein. Tu peux manger du cerf humain, mais c'est plus désagréable. Alors, durant un banquet donné en l'honneur... Je propose qu'on vote une mention pour virer Jules de ce podcast. Non. Avec ses blagues de papa. Non, c'est lui qui gère toute la technique. C'est vrai. Donc oui, voilà, tu peux manger de la chair humaine durant un banquet donné en l'honneur de Zeus Lycaos en Arcadie. Eh, mais venez, on essaye. En Arcadie. Alors, non, tu me payes les billets. Parce que c'est loin, l'Arcadie. Mais venez, sinon, on se fait tous une petite scarification, et puis on boit le sang les uns des autres pendant la lune rousse, et... Bah, en vrai... Tiffen et Rousse, il y a de la lune, ouais. On a de la bière, on a du sang, ouais. On est tout s'il faut là. Ouais, grave. Ouais, mais alors les gars, je suis désolée, il y a un problème. Ah. C'est que les hommes, ils se transforment facilement en loup-garou, mais les femmes, elles se transforment difficilement en loup-garou. Ah. Elles deviennent des êtres malfaisants. Mais ça, elles le sont évidemment. Déjà. Évidemment. Ah bah je vous remercie, bravo. Surtout que toi t'es rousse, donc c'est encore pire. Oui, bah alors écoute, moi je, toi, je ne veux pas être loup-garou, j'ai d'autres projets. J'aimerais bien être vampire. Ceci dit. Et j'ai aussi découvert quelque chose, voilà, donc tu peux être loup-garou par la naissance. Ah. Donc si tu bois de l'alcool pendant que t'es enceinte. Ah, non, pas du tout. Ah, rien à voir avec la mère. Si tu es né la veille d'un dimanche ou d'un jour saint, si tu es né à Noël, ou si tu as une queue au coccyx. Hein. Voilà. Ah oui. Et alors, quelque chose que j'ai appris qui m'a fait extrêmement rire et qui m'a fait extrêmement bizarre à la fois. Est-ce que vous connaissez le terme de nez coiffé ? Non. Non. C'est-à-dire que tu nais avec une jolie coiffe ? Ou que t'as beaucoup de poils sur le nez et que tu les peignes ? C'est beaucoup moins sexy que ça. Ah, tu nais avec une petite opercule de placenta qui est restée sur ton crâne. That's nice. Voilà, les nez coiffés peuvent très très facilement devenir des loups-garous. Bon. D'accord, ok. Ok. Donc faites attention, cet été sur la plage, aux gens qui ont beaucoup de poils. Ouais. Donc, parce qu'on sait très bien, on nous cache tout, on nous dit rien. Les loups-garous célèbre. Déjà, on a Garou, qui ne se cache même pas, c'est honteux. Je sais pas pourquoi les gouvernements ne font rien contre lui. C'est parce qu'il y a Céline Dion. Ah, oui, Céline Dion a été une très bonne amie. Mais Céline Dion est une femme malfaisante. Écoute, n'insulte pas Céline. D'accord. Et donc, François Fillon serait un loup-garou. Selon certaines théories, ce serait pour ça que... Déjà, ce serait pour ça aussi également, je sais pas si vous avez vu cette petite news, il y avait des lunettes... à l'effigie de Fillon, donc avec des gros sourcils. C'est pour ça qu'elles n'ont pas été commercialisées, c'est parce qu'il y aurait eu beaucoup trop de cas de lycanthropie dans les prochaines années. Ah, oui. Ceci explique cela. Bien sûr. Donc, Garou, Strauss-Kahn, Fillon. On a fait le tour des plus connus, on va pas s'attarder plus là-dessus. Mais bon, vous savez qu'on nous cache tout, on nous dit rien. Mmh. Allez sur Stop Mensonge. Mais donc voilà, donc on a nos deux protagonistes. Les vampires d'un côté, les loups-garous de l'autre. Et ils se battent. On est à peu près d'accord. Mais ils se battent pour qui ? Attendez. Parce que Twilight, c'est bon. Là, on a les bases, mais Non, on n'a pas la base, parce que dans Twilight, justement, comment tu deviens loup-garou ? Est-ce que vous savez ça ? Ah non, dis-nous. Bah, en fait, ils expliquent dans les légendes Kilotes que c'est une mutation du gène, parce qu'il y a des vampires... Quand il y a des vampires qui sont dans le coin... Et bah, les jeunes hommes amérindiens se transforment en loup-garou, un peu comme après la puberté, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, ils ont une masse musculaire de ouf, et ils forment un pack, une meute, et en fait, c'est par la présence des vampires. C'est pratique, non? Ah bah oui, c'est ouais, hyper c'est très, pratique. T'as la thèse et l'antithèse directement. Voilà, c'est ça. Et ils ont la petite faculté aussi de pouvoir s'imprégner. Qu'est-ce que c'est s'imprégner? Mais ça, s'imprégner, on en parlera après sur les problèmes de Twilight, non? Non, parce que Twilight, c'est avant tout un livre. Mmh. Un livre qui s'inscrit donc dans une tradition littéraire. C'est très élogieux d'en parler comme ça, mais Twilight est un livre qui s'inscrit dans une tradition littéraire. Mais cette tradition littéraire, elle vient pas de nulle part, parce qu'on n'est pas arrivé de Bram Stoker à Twilight d'un coup. Et tout ça, ça se fait par plusieurs mécanismes, enfin surtout par un mécanisme. Twilight, aujourd'hui, on le classe vachement dans ce qu'on appelle la bit-lit. Bit de bite, mordre en anglais, et lit, literature, littérature. Donc la littérature qui mord, entre guillemets. La bit-lit, donc c'est un terme, je crois, qui a été inventé, qui est un terme français, hein, qui a été inventé par Bragelonne, ou Milady, qui est l'édition pocket de Bragelonne. Donc, il y a donc une maison d'édition française vachement basée sur les littératures de l'imaginaire. Et en fait, cette bit-lit, c'est entre guillemets la fusion de deux types de littérature. L'urban fantasy d'un côté, et la chick-lit de l'autre. Chick-lit. Donc, l'urban fantasy, c'est en fait de la fantasy ou du fantastique qui évolue dans un milieu urbain. Dans un milieu urbain, nos villes par exemple. Là, on en a un très bon exemple en ce moment avec American Gods de Neil Gaiman qui est adapté en série. On a des événements complètement fantastiques qui se retrouvent dans notre réalité à nous. Et ça, c'est un genre qui a commencé à beaucoup, beaucoup, beaucoup se développer ces 20 dernières années, notamment aux États-Unis avec les littératures de l'imaginaire qui sont là-bas très foisonnantes. Mais ça va parce que je confesse ne pas beaucoup aimer l'urban fantasy, mais il faut reconnaître que ce genre a des choses à offrir. En revanche, l'autre côté du spectre de la bit-lit, qui est la chick-lit... Donc chick, ça veut dire quoi? Bah chick, ça veut dire poulette. Mm-hmm. Chicken, poulette... Ouais, c'est la petite meuf, quoi. Ouais, voilà, c'est la petite meuf. Mm. Et cette littérature de petite meuf, c'est quelque chose que je trouve profondément ultra affreux, et qui s'est mis à vachement se développer ces 30 dernières années. Pareil. En fait, la chick-lit, ça va être une littérature qui va s'adresser aux femmes entre 16 et 30 ans et qui va montrer des modèles féminins supposément forts, supposément indépendants, etc., mais qui, selon mon humble analyse, ne le sont pas du tout. À titre d'exemple, on peut citer le journal de Bridget Jones, qui dépeint une femme forte, indépendante et qui n'a pas du tout besoin d'hommes pour vivre. Bah si, complètement. C'était de l'ironie. D'accord. Ouais. On a aussi Le Diable s'habille en Prada, qui ne relègue pas du tout la femme à une image superficielle de fashion victime, etc. Hunger Games aussi, hein. Hunger Games, Hunger Games, c'est plus du young adult. Ouais. Twilight s'inscrit aussi dans young adult, on pourra en parler un peu après. Et donc la chick-lit, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très nuisible à la littérature, parce que sous des atours qui se prétendent féministes, c'est quelque chose qui impose à la femme une image super fashion, super branchée, super tu dois être une femme comme ça, tu dois dépendre de l'homme, tu dois manger des Haagen-Dazs en regardant comment il s'appelle, pas Tom Cruise, mais le beau gosse dans Bridget Jones. Hugh Grant. Hugh Grant, voilà, tu dois manger des Haagen-Dazs en regardant Hugh Grant quand t'as une rupture sentimentale. Enfin, je trouve que la chick-lit, c'est vraiment quelque chose de très très nocif pour la femme et les représentations de la femme et des jeunes filles qu'elles se font elles-mêmes et qu'on a dans la culture. Par exemple, beaucoup de femmes, je pense, ont trouvé que Bridget Jones, c'était trop vrai, c'était exactement ce que je vivais, etc. Et pour moi, cette identification est super nocive parce que c'est pas des modèles féminins forts, ça va être des modèles féminins qui vont être très nocifs, parce que la femme va dépendre d'un homme, va ne pas être indépendante, va forcément être en demande constante par rapport au monde, sans jamais se référer à elle-même pour vivre. Une Twilight, ça va encore plus loin, parce que ça normalise et ça glorifie un type de relation qui est clairement abusive. Oui, très clairement, de dépendance totale par rapport à l'homme. Mmh. Et donc, Twilight, c'est un peu la fusion de donc cette urban fantasy, donc des créatures fantastiques qui évoluent dans un milieu urbain, et cette chick-lit qui est des représentations assez moyennes de la femme qui se passe pour féministe. On peut aussi dire que Twilight ça a été favorisé par l'émergence de la littérature young adult, donc pour adultes jeunes, avec qui a quand même vachement débuté sous l'impulsion de Harry Potter, qui en fait a eu le succès que vous connaissez. Et à partir de là, beaucoup d'auteurs se sont mis à écrire pas pour les enfants, pas pour les adultes, mais entre les deux, entre 18 et 30, 25 ans. Et donc, pour des exemples de ça, on peut citer Divergente, Hunger Games, Le Labyrinthe, tant de franchises qui ont eu des succès retentissants au cinéma. Et Twilight, je pense, s'il a pu grandir et se développer ainsi, avoir le succès qu'il a eu, c'est parce qu'on a eu ce développement de l'urban fantasy, qui pour le coup est un genre respectable, qui a eu ses lettres de noblesse, de la chick lit, qui est un genre absolument affreux, qui a aussi ses lettres de pseudo-noblesse, et de la littérature young adult. Donc, voilà. C'était mon petit exposé. On va peut-être pouvoir engager sur les problèmes dans Twilight, justement. En fait, maintenant qu'on a d'un côté les vampires, d'un côté les loups-garous, et de l'autre côté le terreau dans lequel cette moisissure a pu prospérer, je pense que l'on peut passer sur Twilight, en effet. Donc Twilight, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire de Bella, une jeune fille de 17 ans, qui déménage chez son père, à Forks, dans la banlieue de Seattle. Et en fait, de base, elle habitait à Phoenix avec sa mère, et comme sa mère s'est remariée, elle s'est dit « Oh bah je vais la laisser faire sa lune de miel !» Et du coup, elle rejoint son père. Et quand elle arrive dans le lycée, tout le monde est à fond sur elle. Et en fait, Bella, elle représente vraiment le mari sous. C'est-à-dire que le mari sous, c'est un terme qui veut dire que le personnage ressemble à l'auteur. C'est-à-dire que Stephenie Meyer décrit Bella comme brune, aux yeux marrons, maladroite, machin. Et enfin, Stephenie Meyer est brune aux yeux marrons. Et maladroite. Et en fait, Bella, c'est comment dire, elle est décrite comme faible physiquement. Bella, en fait, meuf faible physiquement, faible mentalement, parce que franchement, elle a rien pour elle à part son corps. Elle est complètement soumise soit à son père, soit à des figures d'autorité qu'elle s'imagine comme devant se référer à elle. Et elle est irrationnelle, en fait, elle présente jamais de très fort, comme la volonté, l'intelligence, le courage. En fait, tout ce qu'elle fait, c'est motivé par ses relations amoureuses. Elle a aucun autre but dans sa vie à part Edward. Et donc, par exemple, quand elle arrive chez son père, elle s'occupe de tout, du ménage, de la cuisine. En fait, c'est sa place naturelle. Et sans elle, son père est incapable de faire quoi que ce soit. Et quand elle rencontre Edward, donc le vampire, elle se soumet à lui sans se poser aucune question. Elle va où il lui demande d'aller. Elle se pose beaucoup de questions. Il est tellement amoureuse de lui. Il est tellement mystérieux. Pourquoi me fuit-il ? C'est ça. Elle fait ce qu'il lui ordonne. Elle abandonne ses amis et sa famille au profit de sa relation amoureuse. Et en fait, c'est normal qu'elle perde tout quand Edward l'abandonne au tome 2. Et ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans les relations interdépendantes. En fait, avant de parler de relations interdépendantes et tout ce qui est problématique avec Twilight, on va peut-être faire un résumé rapide de Twilight. Qu'est-ce que c'est Twilight ? Donc en gros, c'est Bella qui arrive dans la banlieue de Seattle, à Forks, qui va habiter chez son père qui est un putain d'assisté, il arrive même pas à se faire des œufs maillots tout seul. C'est bon les œufs maillots. Ah, Dieu sait que c'est bon les œufs maillots. Elle va au lycée dans lequel elle rencontre Edward, qui a le teint pâle, qui est ultra beau gosse, qui est mystérieux. Et qui a trop du mal avec elle. À chaque fois qu'il la voit, il est en mode j'ai des nausées, des sueurs. J'ai du mal, je m'en vais. Et en fait, il lui dit après que c'est parce que son sang à elle l'attire tout particulièrement. Il lui dit oui, ça arrive une fois dans la vie d'un vampire de rencontrer un humain où son sang sera irrésistible. Et toi, c'est moi, bébé. Mais à savoir que Edward Cullen fait partie donc de la famille Cullen. Ouais. Qui sont des vampires végétariens. Ah oui, oui. Qu'ils ne mangent pas les sangs des humains. Ah oui, c'est vrai. Et donc, attends, on n'en est pas encore là. Donc, en vrai, elle se fait 2-3 petits potes. Donc, un chinois insupportable qui a un rôle de comic relief, un petit gros un peu sympathique, etc. Enfin, tout se passe bien. Et là, Miskin, elle se doute de quelque chose. Genre en mode, putain, il a le teint pâle, il est tout froid quand je le touche. Et en plus, il y avait une bagnole qui a failli m'écraser. Et il l'a arrêté avec ses mains. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose là-dessous ? Je me demande, je vais lui demander. Et donc, ils vont dans la forêt, ils font Je sais ce que tu es. Dis-le. À voix haute. Dis-le. Et donc là, elle lui fait, je sais pas, est-ce que tu es... Parce qu'elle fait deux, trois petites recherches. Bien entendu, elle se demande pas s'il est malade parce qu'il est tout blanc ou quoi que ce soit. Non, c'est un vampire. Donc elle fait, hey, Edouard, comme ça, j'ai entendu, t'étais un vampire. Et Edouard, elle fait, c'est vrai. Et je peux te tuer si je le veux. Ouais, mais je t'aime. Ouais, c'est ça. Et donc elle commence à faire, putain, on va trouver une putain de love story. Sauf qu'Edouard, elle est en mode, non, bébé, je vais te faire souffrir. Et donc il se tire. Donc Bella, là on passe au tome 2. Bella, elle est un peu en mode mais qu'est-ce que je vais faire sans Edouard ? Et donc il y a son pote qui s'est fait friendzoner de manière tellement sale, Jacob il s'appelle. Alors il a les cheveux longs, il est tout queuse et il a un nez de cochon. Mm-hmm. Je crois que ça le résume assez bien. Ouais. Au départ. Au départ. Et donc là, elle est en mode on parle du deuxième là. Elle est en mode Edouard, Jacob. Je te touche le dos. Je te touche le dos. Mais en vrai, je suis pas sexuel, mais tu comprends très bien ce ouais, que je veux. C'est clair. Et donc voilà. Donc Jacob, il commence à avoir le zizi tout dur. Et il est en mode mais putain, mais pourquoi tu te mets pas avec moi ? Et elle est en mode non, parce que je suis encore amoureuse d'Edouard et il m'envoie des messages invisibles dans les airs. Et donc après. Ce qui paraît complètement logique, je vois très bien Jacob faire. Ah oui, excusez-moi, bien sûr. Pardon. Vas-y, je me retire évidemment, j'ai compris. Donc, il y a des scènes très très humiliantes pour Jacob qui se fait complètement friendzoner. Par exemple, regardez le 2. Ouais, c'est excellent. Bon, un bout regardez-les tous. Ouais, au bout d'un moment, elle essaie de suicider. Donc, t'as Edouard qui fait non, te suicide pas, bébé. Mm. Et donc, il fait bon, bah d'accord alors. Et vu que le 3, j'en ai des souvenirs assez flous, je laisse la main à Mathilde. Bah, dans le 3ème, à la fin du 2ème, Edouard il est en mode épouse-moi, bébé. Et elle est en mode, je sais pas. J'avais oublié ça. Et dans le 3ème, en fait, c'est vraiment la triangulation amoureuse. C'est-à-dire qu'il y a Jacob qui est en mode, je te fais la gueule, hein, parce que t'as choisi Edouard au lieu de moi. Et t'as envie de moi, je le sais, au fond de toi. T'as envie de moi. Et elle est en mode, non, j'ai pas envie de toi. Voilà. Oui, et d'ailleurs, quand je te roule une pelle, tu dis pas non. Et ça, je vais en parler. Ouais, ouais, bon, on parlera de ça après, ouais. Mais la manière dont Jacob dit à Bella, t'as envie de moi, c'est vraiment... Ah, mais c'est un putain de rapiste. Voilà, ah oui, non, mais... C'est fucking viol. C'est horrible. Je rentre on dans en parlera ces détails, plus tard. Ouais. Et donc, bon, là, voilà, il se passe globalement rien. Oui, il se passe rien dans le 3. Et dans le 4ème... J'étais trop bourré. Justement, j'en parlerai quand on abordera le sexe dans Twilight. D'accord. Ça, c'est intéressant. Et donc, dans le 5... ah oui, non, mais attends, on saute deux, trois petits trucs. Ouais. Donc, spoiler, ils font la chose. Ils se mettent. Bella, elle commence. Ah non, ils se marient. Oui, d'abord. D'abord, ils se marient. Parce qu'ils peuvent pas faire de sexe, parce qu'en fait, Edouard, il est vierge. Il a 100 et quelques années, mais il attendait la bonne, the right one. Parce qu'en fait, il faut se rappeler que c'est une mormone qu'il a écrit. Alors, vous oubliez quand même quelque chose de très important, je vais revenir dessus. Il y a toute cette histoire de transforme-moi en vampire. Mmh. Ouais! Parce que Bella veut absolument se faire transformer en vampire, mais Edouard, elle est en mode, non, elle a bien compris le filon, quand même. Hein. Elle a bien compris que le seul truc qu'elle pouvait avoir de ce mec-là, c'était soit du sexe, soit se faire transformer en vampire. Hein. Et elle a eu les deux, parce qu'à la fin du 5, elle a à la fois du sexe et c'est une vampire. Mm. Donc elle commence à être un peu hardcore et tout, sauf que, en gros, t'as des anciens vampires qui sont en mode, oh, nous, on est des anciens vampires, on veut la pureté du sang de la race, ou je sais pas, un truc du style. Mm. Et ils veulent pas, en fait, les nouveaux vampires, ceux qui viennent d'être transformés. Et donc, va y avoir un fight. Et donc là, il y a un putain de fight qui se lance. Genre, il y a des têtes arrachées. T'as les anciens vampires qui commencent à taper les nouveaux. T'as les nouveaux qui sont alliés avec les loups-garous parce que Jacob, il a eu de la merde, etc. Enfin, c'est de la grosse merde. Ils se tapent, ils s'arrachent les têtes. Il n'y a pas une goutte de sang. Enfin, c'est très bien. Et en fait... Bah, en fait, ça se passe pas. Bah, non, parce c'était dans sa tête à elle. Bah, parce qu'en fait, c'était un genre de rêve. Parce que les vampires ont tous des pouvoirs spéciaux. Et t'en as une, quand elles touchent les gens, elles peuvent leur faire voir un avenir possible, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Et en fait, toute la scène de bataille super tragique, où il y a plein de gens auxquels on s'était pseudo-attachés, enfin, on s'était pas attachés, mais on était censé s'attacher, qui sont morts, et ben en fait, tout ça, c'était faux. Ouais. C'était faux, c'était juste un rêve. C'était un putain de teasing pour rien, quoi. Et donc, en gros, bah, les méchants ils repartent de leur côté en mode « Ah bah non, on va se faire démonter, c'est pas super cool. » Et les gentils repartent en mode « Ah ah, on a bien gagné, mais on l'a pas vraiment gagné. » C'est ça. Et donc, à la fin, donc, tout est bien qui finit bien. Il y a Jacob qui est tombé amoureux de la fille de Edouard et Bella. Mais il s'est imprégné. Il s'est imprégné, ouais. Et donc, qui est juste amoureux d'une fille qui a 6 mois. Ouais. Ouais, c'est ça, je crois qu'on peut le dire. Ouais. Et t'as Edouard et Bella qui sont en mode... On va pouvoir baiser jusqu'à notre mort. Est-ce qu'on mourra jamais. The end. Voilà. C'est ça. Et juste, on en reparlera après sur les problèmes de Twilight, mais j'aimerais insister sur le fait que le 5 est un build-up complet sur une bataille qui, quand elle arrive, n'est pas vraie. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bon, bah maintenant qu'on a fait un petit résumé de Twilight, je pense qu'on peut... On peut entrer dans le vif du sujet. On peut entrer dans le beurre. Dans le beurre. Ouais. Entre dans le beurre. Alors, donc, on a bien compris que Bella, c'était l'archétype de la demoiselle en détresse. C'est-à-dire qu'elle a besoin toujours d'un mec pour la sauver. Donc, il la sauve du van, il la sauve quand elle se fait emmerder par des stalkers dans la rue, il la sauve quand elle se noie, etc. Et le problème avec Edouard, c'est un truc super creepy dont personne ne parle, c'est qu'il la suit partout où elle va, il s'introduit la nuit chez elle pour la regarder dormir, quand même, non mais enfin, je sais pas, et elle est en mode, ah, trop romantique. Bah, tu sais, quand t'es un vampire et que tu t'ennuies que tu dors jamais, hein. Mais ouais, faut bien trouver des activités. Non, je suis d'accord, mais elle est pas, à aucun moment, elle est révoltée par ça, enfin... Oui, non, alors par contre, si t'essayes de donner une conscience à Bella, oui, c'est une impossible. Conscience, du moins une conscience féministe, c'est impossible. C'est impossible. Donc en fait, il la surveille H24, et ça, c'est dépeint comme quelque chose de romantique. Vraiment. Et c'est passionnel, mais en fait, c'est malsain, quoi. Et en fait, ces trucs-là, c'est des trucs qu'on retrouve dans les relations abusives, où la personne, d'une part, elle se retrouve isolée de tout au profit de sa relation amoureuse et elle perd toute sa liberté. C'est le cas dans Toilette. Elle peut aller nulle part sans qu'il la suive. Et si elle essaye de faire des choses par elle-même, il l'en empêche. Et je pense, par exemple, dans le troisième, où elle essaye d'aller voir son meilleur ami, Jacob, et il abîme sa voiture pour pas qu'elle puisse la démarrer, quand même. C'est-à-dire qu'il a un contrôle sur tout ce qu'elle fait. Et au-delà de ça, Twilight, c'est aussi puéril pour la masculinité. Parce que les hommes, dans Twilight, ils sont dépeints comme hyper territoriaux, ils doivent être super forts, ce qui est valorisé, c'est qu'ils aient de l'argent, ils doivent démontrer tout le temps leur force, et surtout, ils doivent être abusifs envers les femmes. C'est-à-dire que pratiquement tous les personnages féminins en relation amoureuse dans Twilight, ils vivent un abus. De la part de leur conjoint. Est-ce que je peux te demander ce que tu penses de la relation Alice-Jasper? Ben rien, parce que c'est pas développé, enfin, c'est dans le fond comme ça. Ouais, mais parce que pour le coup, moi je trouve que c'est une des seules relations où on pourrait dire que la femme prend un autre rôle que la femme soumise. Oui, mais le problème dans cette relation, c'est que c'est toujours trop fusionnel, en fait. C'est-à-dire que les couples sont toujours représentés comme une unité, ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre, et puis une fois qu'ils sont ensemble, c'est pour le reste de l'éternité. Enfin, ça reste quand même gênant, même si elle a un peu l'ascendant, mais tu vois, genre, ils expliquent dans le bouquin qu'elle l'a vu venir, parce qu'elle voit l'avenir, donc elle savait que ce mec, c'était son destin. Enfin, t'as jamais une femme seule, en fait. C'est impossible, dans l'univers de Twilight. Mais une femme seule, c'est bon qu'à faire la cuisine et la vaisselle, non? C'est ça. Donc déjà, l'abus, c'est glorifié dans Twilight. Ça veut dire que c'est normal et romantique que Edouard soit plus fort que Bella, qu'il ait envie et la possibilité, s'il le souhaite, de la tuer, et que quand Jacob l'agresse et la force à l'embrasser, elle tente de se défendre, elle se fait mal, et les personnages en rient, y compris le père de Bella, qui félicite Jacob. Ça va loin. Genre Jacob, il lui dit qu'est-ce que... Enfin, il demande à Jacob qu'est-ce que t'as fait, et t'as Jacob qui dit je l'ai embrassé sans son consentement, et t'as le père qui dit « Bravo, mon gamin enfin... !» Mais ça c'est vrai. Et en plus, ça montre très bien que Bella est un personnage complètement dépendant des hommes. Mmh. Parce que t'as Edouard qui la prend sous son aile, entre guillemets, de vampire. Et ensuite, t'as Jacob qui essaye de... qui fait clairement des choses sexuelles, enfin, romantiques avec elle. Quand même, ouais. Oui, enfin, qui l'agresse, quoi, de plusieurs manières. Contre son gré. Et pour savoir si c'est bon ou pas, Bella se pose pas la question « Est-ce que moi j'accepte ça ?» C'est « Est-ce que mon père accepte ça ?» Ouais, c'est ça. C'est ultra nocif. Ouais, complètement. Je crois que c'est la nocivité. Donc en fait, on va faire un petit récap sur ce que Edouard fait. Donc déjà, il la domine, il la menace. Il la domine. Il l'isole, il l'intimide et il lui fait des reproches. Il la stalk aussi. Oui, ça je l'ai dit, ouais. Ah. Et en fait, il lui met la pression et il la force à faire des choses dont elle n'a pas envie. Bah, il la laisse pas conduire, il l'oblige à se marier alors que de base, elle n'a pas envie de se marier. Enfin, je veux dire, elle a 18 ans, quoi. Mais alors, sous couvert de lui dire... clairement non. Sous couvert de lui dire, non, mais... Je veux pas que tu souffres, je veux pas que tu deviennes un vampire pour moi. Ouais, c'est ça. Sous couvert de quelque chose de non, mais regarde, je suis un garçon bien, parce que je veux pas te transformer en vampire et je veux pas, en gros, bousiller ta vie, alors que gros, tu le fais déjà. Ouais, c'est clair. Oui, et que surtout, devenir un vampire, ça les mettrait sur un pied d'égalité. Ce qui, je pense, dérange beaucoup Edouard. Carrément. Et le problème, c'est que ça normalise ce genre de relation abusive. Et les jeunes filles qui lisent ça, Elles internalisent ce genre de relation en disant « c'est du véritable amour, c'est romantique, je veux ça, moi ». Ils sont prêts à mourir l'un pour l'autre. C'est ça. Mais non, mourir l'un pour l'autre, c'est pas de l'amour, c'est juste de l'attachement pathologique. C'est clair. C'est... Et y a un autre problème avec le sexe, c'est que bon, bah, ça a été écrit par une mormone, et ça se sent dans la représentation du sexe dans la saga. Donc vampire, enfin Edward, c'est un vampire âgé de plus de 100 ans, il a jamais eu de relation sexuelle en 100 ans, parce qu'il a toujours attendu Bella. Il doit avoir le zizi bien dur, hein, celui-là. Ouais, franchement. Donc, il la force à se marier sous couvert de religion, parce qu'il est déjà damné et qu'il ne veut pas être plus damné que ça, et que faire du sexe avant le mariage, c'est interdit. Donc, la pauvre, ça fait 4 livres qu'elle attend ça, donc bah, elle n'en peut plus, elle accepte, hein, elle en a marre. Comme on dit dans le milieu, elle a le vagin qui fait des bulles. Et encore une fois, c'est pas elle qui s'occupe du mariage. C'est-à-dire que c'est la sœur vampire qui organise tout. C'est la sœur vampire qui choisit la robe, c'est la sœur vampire qui organise la cérémonie. Qui la coiffe. Qui la coiffe. Enfin, ah oui, mais quand même, attention, attends, Edouard, il lui demande. Hein. Ouais, non, mais il la force, quoi. Elle est en mode, baise-moi, non, je veux pas. Mais tu vois, c'est complètement ça. Bella évolue en vase clos dans cette famille. Elle a pas du tout de... Enfin, si, elle a des potes à côté qui viennent mais qui font de la figuration, quoi. Ouais, c'est pas du tout des références morales ou des références Elle se force à aller voir ses amis entre guillemets, mais elle passe pas du bon temps avec eux. Tout ce qu'elle attend, c'est de rejoindre Edouard, hein. Oui, et même quand elle est avec ses amis, elle regarde par la fenêtre, elle voit Edouard. Ouais, quand elle essaie une robe oui. Et alors, quand ils font enfin la chose, quand ils font enfin le sexe, donc je le rappelle, sur une île privatisée par la famille avec des domestiques étrangers qui viennent s'occuper du ménage, donc merci la représentation. En fait, il lui fait tellement mal qu'elle a des bleus partout. Oui. C'est toujours punitif, le sexe, et c'est tellement punitif qu'elle va tomber enceinte direct, et qu'en fait, le fœtus l'affaiblit, c'est-à-dire qu'elle devient presque morte, et que quand elle accouche, enfin, il la tue. Il la déchire de l'intérieur. Donc ça donne quoi comme message? Ça veut dire la sexualité, c'est tellement mal qu'une fois que tu t'y frotteras, tu tomberas enceinte et tu mourras dans ta souffrance. Enfin, c'est pas possible. Tu peux pas envoyer ce message-là à des jeunes filles qui ont attendu 4 livres avant qu'il se passe la chose et qui ont... Enfin, c'est un gros pétard mouillé, quoi. Bah ouais, mais faut pas coucher avec des vampires. Hein. Bah non, c'est pas bien. D'ailleurs, coucher avec des vampires, on peut en parler. Il se remplit de quoi, le sexe d'un vampire, quand ils font de la chose? De venin. De venin? Ouais. Est-ce que les vampires sont venimeux maintenant? Ouais. Ouais, bah il brille au soleil, hein, pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Faire pipi. Donc du coup, on a fini un peu sur les problèmes dans le sexe. Mais Jules, avant toute chose, voulait nous parler d'une scène en particulier. Ouais, parce que c'est un peu allié avec les problèmes dans le sexe, mais c'est aussi très symptomatique de pourquoi Twilight, c'est le cancer. Mm-hmm. En gros, ils sont en train de monter une montagne, je sais plus pourquoi. Ah oh ouais, non mais ça c'est dans... Ouais, c'est dans le troisième, ça. C'est dans le troisième, ça. Ouais, je crois. Ils montent la montagne comme des Lego ou ils montent la montagne comme des escaladeurs? Non, à pied. Ils montent la montagne comme des Lego. Ah, et après, ils ont descendu de la montagne. Et donc, en gros, voilà, ils sont en train tranquille de monter la montagne. Mais là, t'as Bella, elle fait en mode « Oh, j'ai froid. » Et donc, t'as Edouard qui est en mode « Oh non, il faut pas qu'elle ait froid. Non, il faut absolument pas qu'elle ait froid. Je l'aime trop pour qu'elle ait froid. » Ouais, c'est vrai. Ouais, et donc, t'as Jacob qui les suit aussi, je crois. Mais bah, c'est dans le 3. Bah, oui, c'est dans le 3. Mais c'est dans le 3 quand elle va se cacher parce qu'il va y avoir la bataille. Non, c'est ça. Il va y avoir la bataille avec Victoria et avec les nouveau-nés qui est en train d'arriver. Et du coup, Bella, elle va se cacher dans la montagne avec Edward en mode genre, ouais, ils ne trouveront jamais et tout. Ouais. Tu parles, ils ont des méga pouvoirs. Et il y a Jacob qui est en mode, non, moi je veux qu'elle m'aime parce que ça fait genre au moins 3 épisodes que je suis en train de lui dire, mais tu m'aimes, avoue, je suis sûre que tu m'aimes. Tu sais au fond de toi que tu m'aimes. Voilà, et du coup, il arrive comme un connard en mode, elle a froid, il faut que je la réchauffe. Ah oui, voilà. Parce que toi, t'es froid, et moi, je suis chaud. Ouais, donc en gros, t'as Edouard qui est en mode, putain, mais Bella, elle va mourir si elle a trop froid et tout. Et t'as Jacob qui est en mode, ouais, mais toi, t'es une grosse merde, t'es tout froid. Et tu peux pas la réchauffer, genre, un glaçon, ça réchauffe pas. Et donc, t'as Jacob qui commence à se foutre à poil et à spooner de manière très hard. Bah, il rentre mais alors, dans son sac de couchage. C'est le moment où il dit... petite citation, attention. Je suis bien plus chaud que toi. Et là, t'as un petit regard d'Edouard qui est en mode... Oh, j'ai le seum. Bâtard. Je suis un vampire. Je suis froid. Ouais. Et donc, t'as Edouard qui se fout à Walpé, enfin, en quel but. Jacob. Oui, et Jacob qui se fout en... Il rentre dans son sac de couchage. Très symbolique. Mais sans son consentement, elle, hein, parce qu'elle est en train de mourir de froid. Il ne demande pas son avis. Elle est en total PLS. elle est tout le temps en PLS. Est-ce que la PLS... Non mais attends, j'ai pas terminé ma scène. Ah oui. Et donc, t'as Edouard qui se fout à moitié à Walpé dans son sac de couchage. Putain, Jacob. Jacob, ouais. Et qui se met à la spooner en mode hard, en mode « je suis tellement chaud. » Et il mate Edouard avec un air tellement salace. Ouais, un peu. Putain, mais ça en ferait bander un hétéro. Hein. Mais déjà, franchement, depuis le début du troisième film, Jacob, il est hyper graveleux. Ouais. Et à un moment, il arrive, il est là vers Bella et il fait... je te fais de l'effet. Et là, t'as genre 5 secondes où tu vois sa gueule et t'es en mode genre, oh mon dieu, mais c'est du viol. Mais c'est vraiment genre du viol cinématographique. Mais tu est-ce vois qu'on peut mais parler là, du temps de latence Là, quand Tiffen nous dit je te fais de l'effet, c'est pas pour rigoler. Non, ah il non, le dit sérieusement. Non. Jacob le dit vraiment. Il le dit, je te fais de l'effet. Tout mais comme il dit très sérieusement après à Edouard dans cette scène justement où il est en mode ouais, je spoon ta meuf, t'as trop le seum et tout. Il lui fait. Tu as beau rester toujours de glace, je te fais bouillir. Grosse punchline de l'enfer. Mais un truc dont on n'a pas parlé dans Twilight, c'est le temps de latence qu'ils disent, enfin qu'ils mettent à dire leur réplique. Ouais, c'est et vrai. Ils disent tout d'un air hyper dramatique et hyper grave. C'est genre lié à la solennité. Il y a plus d'œufs dans le frigo. Il y a plus d'œufs dans le frigo. Oh non. En fait, Twilight, il y a jamais un moment d'accalmie fun. Ils sont toujours à jouer leur vie. Non, il y a des moments d'accalmie fun quand il y a des répliques qui veulent rien dire, quoi. Oui, non, genre, mais je veux dire... On va mettre le sapin de Noël, genre des trucs comme ça. Je veux dire, dans la diégèse du film, quand ils sont tous, même pour le sapin de Noël, c'est en mode, tu vas faire un sapin de Noël. en fait, ils souffrent tout le temps. Ouais, c'est ça. H24. Bah, c'est ça, en fait, Bella souffre tout le temps et t'as l'impression que son cerveau est coincé dans de la mousse ou de la gélatine, si bien que quand son cerveau reçoit une information, il met à peu près un quart d'heure à la traiter. et elle répond après, genre, elle est en mode, oh, il m'a dit ça. Ah non, mais le pire, non mais je suis d'accord avec toi, le pire pour ça, c'est ces séquences hésitation. Jacob, Edouard. Edouard. Clignement des yeux parce qu'elle cligne beaucoup Jacob, des yeux. Jacob, elle cligne beaucoup des yeux. Elle est tout en mode. Ou d'ailleurs, tu comprendras dans le film numéro 5 que c'est très compliqué pour elle de faire croire qu'elle est encore une humaine quand elle est devenue vampire. Ouais. Quand les culaines lui disent oublie pas de cligner des yeux. Et là, t'as une petite séquence formidable où je crois que c'est Alice qui lui dit il faut cligner 3 fois. Par technique. Minute, ah ouais. Et tu la vois cligner 3 fois par seconde. Ah oui. Et Wallis lui fait ah oui, c'est très bien. Ah, c'est très bien. Ah, c'est tout à fait ça. Ah bah voilà, là, on c'est dirait pas nul. Du tout une épileptique. Hein. C'est superbe. C'est... Oui, bah oui, c'est mauvais, mais bon, c'est que veux-tu. Non, mais hein. C'est mauvais, mais c'est génial en même temps. Oui. Ouais, mais alors, moi, justement, ce que j'aimerais parler aussi de les scènes finales. Ouais. Les scènes finales de Twilight qui sont toujours dans le même putain de champ. Avec des fleurs partout. Avec des fleurs violettes. Ouais. Le violet, c'est moche. Mais pourquoi ? Je sais pas. Et c'est toujours ce moment où il y a une petite séquence émotion. Mm. Notamment dans le 3, où t'as Bella qui fait une séquence émotion enfance. Ouais. Tu sais, moi, dans mon enfance. Ouais, où elle vrai. Raconte à Edouard son enfance que oh, c'était compliqué. Ouais. Elle se sentait toujours différente des autres. Bah ouais. Et quand elle a rencontré Edouard, et bah, ah oui, elle a découvert que... Mais bien sûr, c'était ce moment. Je dois être une vampire. C'est mon destin. Elle devait être complétée, en fait. Complètement défoncé, non mais complètement, ça va pas du tout, c'est des graines de pavot, c'est un champ de pavot, ça va pas du tout, c'est n'importe quoi, ce champ, il est horrible, et en plus, ils sont des vieux câlins, ils sont assis tous les deux en mode genre, hey, attends, on se câline, c'est compliqué, on est assis. C'est pire que Anakin n'est pas de mai. Pas mal. Mais sur une échelle de Harry et Ginny, On le situe. Alors, je rappelle ce que. Parce que j'ai mixé l'épisode Coupin comme cochon numéro 4, ouais. Où tu dis. Mais Harry et Ginny, quand ils se font des câlins, on dirait des cousins qui baisent. Qui se touchent. Des cousins qui se touchent. Ouais, franchement, c'est le malaise, quoi. Mais alors, c'est vrai que de toute façon, dans Twilight, on retrouve aussi cette question de. Un petit peu de consanguinité. Ouais. Avec consanguinité, bien sûr. Avec Jacob et Bella. C'est mon meilleur ami. Mais du coup, en fait, on est amis d'enfance. Ouais. Mais du coup, en fait, j'ai grave envie de le baiser. Mais ouais. En fait, non, je peux pas le dire. Mais puis, il s'imprègne de son enfant, quoi. Enfin, le mec ouais, était c'est... fou amoureux de la mère. Ah, attends, parce que là, on part un peu en couille. Mais c'est quoi s'imprégner pour un loup-garou ? Bah, ça veut dire que tu vois ton point de gravité. Je vois mon point de gravité. Et bah, quand tu t'imprègnes d'un autre être, c'est cet être qui devient ton point de gravité. Ça doit être très gênant. Mais c'est hyper gênant parce que c'est un bébé, quoi. Oui, non, mais que ce soit un bébé ou pas, si ton point de gravité, imaginons, c'est la bibliothèque. Ah, mais c'est vraiment décrit comme ça dans le bouquin. Non, mais puis imagine, genre, ton point de gravité qui est un être humain qui va s'amuser à faire de l'escalade, qui est un peu en équilibre. Mmh. Toi, t'es dans la merde. T'es chez toi en train de faire autre chose. Ça ne va plus. Mais surtout c'est ton point de gravité, logiquement, tu dois être debout sur l'être humain H24, vu que c'est lui ton point de gravité et plus la Terre. Mais je te jure que c'est décrit comme ça dans le bouquin. Bon, bah Twilight, c'est vraiment de la grosse merde. Ouais. Ah ouais, non mais. Mais pourquoi ça a eu du succès ? Ben, moi j'ai quelques pistes. Alors la première piste, c'est parce que toutes les petites connasses inintéressantes qui se sentent super spéciales parce qu'elles n'arrivent pas à parler aux autres. Bon, je suis peut-être un peu violent, excusez-moi. Mm. Mais toutes les petites meufs qui n'arrivent pas à parler aux autres parce qu'elles ont clairement une anxiété sociale de ouf et qu'elles se considèrent pas bien, je pense qu'elles. Bah, elles ont pas d'estime d'elles-mêmes, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles sont dans une relation en interdépendance. Ouais, c'est ça, et je pense qu'elles s'identifient de ouf à Bella, en fait. Ouais. C'est Marissou, c'est le personnage auquel tu peux t'identifier parce qu'elle représente un peu n'importe qui, quoi. Et un peu n'importe quoi. Mmh. Et rien du tout, en fait. Ouais. Et justement, ces meufs-là qui sont persuadées d'être la nouvelle J.K. Rowling, qui écrivent leurs petits trucs le soir, mais qui osent pas en parler parce que les gens comprendraient pas, etc. Et je suis persuadé qu'il y a eu beaucoup de ça, que Bella, en fait, vu qu'elle représente une meuf quand même vachement inintéressante, vachement pas extravertie, ouverte vers les autres, etc. Et je dis pas que l'extraversion c'est le truc bien, mais c'est quand même un truc qui peut être assez utile dans la vie. Je suis sûr que ces meufs-là se sont grave identifiées et ont grave fantasmé sur la relation qu'elle a avec Edward, sur cet amour complètement fusionnel qui en fait les défausse elles-mêmes d'être elles-mêmes. Ouais, c'est ça, elles ont plus à être elles-mêmes parce qu'elles font partie d'un tout. Voilà, puis à côté de ça, Edward il représente typiquement le fantasme de la gamine de 15 ans parce qu'il est toujours décrit comme magnifique. T'as moult descriptions sur son body, hein, sur son booty de son corps. Ouais. Ouais, mais personne n'a pensé au fait que genre Edward au soleil il brille. C'est pas pratique. Bah, c'est quand même pas pratique. Enfin, t'es ouais. Un peu repéré sur la plage, quoi. C'est vrai. Oui, je pense qu'on peut en profiter pour faire un point différence sur les différences entre le vampire tel qu'on le connaît et le vampire dans Twilight et le loup-garou tel qu'on connaît et le loup-garou dans Twilight. Et bah, si on peut résumer ça en une phrase, ça n'a rien à voir. Voilà, voilà, parfait. L'auteur a pris des libertés de l'extrême en se disant « Ouah, ça passe. » C'est plus la liberté, là, c'est de l'anarchisme. Comment je fais en sorte de dealer avec le problème du soleil ? Ouais, ils vont briller, hein. C'est bien, c'est comme des diamants. Hein. Ça montre qu'ils sont importants et qu'on peut les aimer. En fait, je pense qu'ils ont écouté la chanson de Rihanna, tu sais. « Shining like a diamond !» Donc, les vampires brillent au soleil quand ils ont une érection, c'est du venin et pas du sang dans leur queue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Ils boivent pas de sang humain. Oui. Non, mais ça, c'est parce qu'ils ont décidé d'être végétariens. Oui, ils sont végétariens. Ouais, c'est vrai. Et du coup, leurs yeux sont couleur de miel. Oh. Ouais, parce que sinon, leurs yeux sont rouges quand ils boivent du sang humain. Ah oui, c'est pas faux. Grosse subtilité. Ouais, c'est pas faux. Mm. Et donc, il y a quoi d'autre encore ? Ben, les vampires sont des gros fragiles. Ouais, je crois que ça, c'est pas un pouvoir qui est vraiment existant. Les vampires vont au lycée. Ouais, les vampires, malgré qu'ils aient 500 ans, ils vont au lycée. Les vampires vont au lycée, mais pas les loups-garous. Pourquoi ? Si, Jacob va au lycée. Oui, mais il va au lycée de la réserve, quoi. Il va au lycée des pauvres. Bah oui. Ah. Ouais. Bah oui. Ouais, il va au lycée réservé aux loups-garous. Ouais. Et c'est peut-être parce qu'il est amérindien. Bah oui. Là, on a peut-être un point racisme à faire. Ah oui. Ah, bah complètement. Ah, mais peut-être qu'on n'a pas compris le message libérateur de Twilight pour les Amérindiens. La critique politique cachée derrière Twilight. Peut-être bien, ouais. Sachant que ça a été. Je crois qu'il n'y a pas de terrain à explorer. Tu peux essayer, mais il n'y a vraiment pas de terrain à creuser. Ouais, je pense que je peux lire une petite citation. Non, je pense, si elle est à propos, vas-y. Et le lion s'est pris de l'agneau, murmura-t-il. Exalté, je détournai la tête et dissimulai mes yeux. Quel imbécile cet agneau, soupirai-je. Quel fou ce lion, quel masochiste. il s'abîma dans la contemplation de la forêt ombreuse, entraîné par ses pensées secrètes. La forêt ombreuse, c'est sa schneck ? Non mais excuse-moi, mais c'est le verset 11 de la Bible dans l'apôtre Saint Thomas qui raconte. Sûrement. Bien sûr. C'est une mormone qui l'a écrit. Mais surtout, Dieu sait que je suis psychanalytique, mais la forêt ombreuse, pour moi, c'est une chatte, hein. Une chatte poilue. Ouais. Oui, tu vois le partout. Bien sûr, tu vois le partout, évidemment. Donc ça n'a ni queue ni tête. Je vois absolument pas genre en quoi ça a rapport avec un vampire ou avec un loup-garou ou avec Bella. Bon, je sais pas. D'accord. Faisons comme ça alors. Est-ce que tu veux une réplique qui n'a aucun sens ? Vas-y. Après la première. Alors ça se passe dans le quatrième. Non, arrondissement. Oui, dans le quatrième bouquin. Un Mississippi, deux Mississippi. Attends. Trois Mississippi. Et l'inondation, espèce de cabot, marmonna Rosalie. Tu sais comment on noie une blonde, Rosalie ? Lançais-je sans me retourner, en collant un miroir au fond d'une piscine. Au moment où je fermais la porte derrière moi, Edouard étouffa un rire. Son humeur s'était améliorée à l'aune exacte de la santé de Bella. On me l'a déjà faite ! Cria Blondie. Camoulox. C'est cadeau, là. Non, mais enfin, là, je pense qu'on peut apprécier les talents littéraires de l'auteur. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire que c'est... Prenons 20 secondes de silence pour ça, putain. Waouh. Bah, je pense qu'à la place de 20 secondes de silence, on pourrait passer normalement l'amour. Enfin bref, blague à part, parce que là on s'éloigne un peu, mais pourquoi Twilight a eu du succès ? Parce que moi voilà, j'ai mis ma petite théorie, mais je suis sûr que toi Mathilde, qui a aimé Twilight au premier degré, bah ouais. Tu pourrais nous en dire plus. Parce que ça dessert particulièrement cet âge où t'as envie de faire du sexe avec des garçons. Des garçons... qui sont généralement très beaux. Mais voilà, tu sais que c'est interdit. Mais voilà, tu sais que c'est ta petite fleur, tu dois la protéger. Et Edouard, en fait, il est hyper fort, ici du Shakespeare, il joue du piano, il est super riche. Puis en plus de ça, il y a la dimension fantasmatique de l'amour interdit, de l'amour dangereux, possiblement mortel, et l'interdiction de s'aimer, tu vois, du prédateur qui tombe amoureux de la proie. Et c'est pratique quand t'as cet âge-là. Non mais c'est pas tombé amoureux, ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Ouais mais c'est ça, c'est parce que sous le couvert, tu vois, il est si protecteur envers moi, c'est-à-dire que si je me fais emmerder dans la rue, il va sortir de nulle part. Il est dans le cœur. Alors forcément il est toujours là. Il va me regarder dormir. Mais, ah oui, mais alors avec le recul, c'est vraiment très angoissant en fait. Ah oui, c'est parce ça. Parce que quand on avait 13 ans, ouais. J'arrive plus à me souvenir ni à me remettre dans dans ce que je pouvais penser à 13 ans. Mais maintenant, c'est si angoissant. Ouais. C'est si empreint de culture du viol et de culture de, pour citer Arnold qui n'est pas là, homme blanc, cisgenre, hétéronormé. C'est ça. Très blanc d'ailleurs, c'est... très blanc. Bah oui, mais super blanc. Et, voire supra white. Supra white. Attends, bah du mais coup, c'est pour ça que Jacob, c'est pas le bon. D'ailleurs, y a-t-il un seul noir dans Twilight ? Ouais, il y a un vampire noir, Laurent. Je suis avec les dreadlocks là. Il se fait tuer direct. Un vampire noir qui s'appelle forcément, Laurent. Faut bien que le black se fasse tuer assez rapidement. Bah oui. C'est la panache de tous les films hollywoodiens. Ce serait pas une vraie œuvre de Mormon. C'est ça. Et donc identification des petites filles à Bella, volonté de cet amour pour cet compliqué. Amour nocif, compliqué ouais, à deux balles. Non, et puis cette pseudo-émancipation aussi de... Très pseudo. De la jeune fille qui... s'émancipe de son milieu social, de sa famille par choix, entre guillemets, alors que c'est complètement de l'ordre du prédateur qui est Edouard. Et du coup, petite fille qui prend en main sa vie parce que l'amour est éternel et que, oh mon Dieu, avec un vampire, il sera vraiment éternel. Ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment le truc de ça va être mon seul amour. Ça va vraiment être le prince charmant. Je serai la demoiselle en détresse. Il sera là pour me sauver quoi qu'il arrive. Et ça sera la seule personne avec qui je baiserai pendant toute ma vie, quoi. Ouais. Et comme c'est un vampire, on aura du sexe surnaturel, quoi. Oui, d'ailleurs, ce qui est bien rappelé dans le numéro 5. Hein ? Ah oui, parce qu'il dans le numéro 5, avec des il y a bien 30 minutes où il passe à se la donner, hein. Oui, non, mais puis avec des blagues hyper graveleuses le lendemain de toute la famille Cullen, en mode « Alors, la maison, elle va bien, hein ? Vous avez pas détruit, défoncé hein. les meubles ?» Voilà, non, avec juste Bella qui lâche un petit regard en mode et Edouard qui fait « Arrête, je suis trop gênée. » Mais franchement, t'as vu 15 minutes de leur sexe, ça a l'air déjà nul. Enfin, je sais pas, c'est genre avec une musique romantique. Non, mais alors, oh, baby. Pour le coup, c'est là où tu vois que c'est vraiment des films pour les préadolescentes. Parce que la musique, je m'en souviens même pas, mais la scène de sexe, elle est clairement la scène coupée. De succès. La scène oui, de sexe, c'est vraiment, évidemment. Tu vois le visage, oui. Tu vois le début des épaules, tu vois les mains, tu vois les pieds. Et puis tu vois leur visage. Entre les deux, esthétique. Ça n'existe pas. Non, tu la vois, tu vois, ça se caresse le pectoral quand même. Ouais, mais ça et va vraiment... Enfin, le téton te dure. T'es à l'aune ouais. Du sein. Puis ça s'attrape les cheveux, je sais pas si t'as remarqué. Ah, ça j'ai pas remarqué. Puis t'as la petite bouche qui se... Ah, ça se mord la lèvre. Non, c'est sexy ça, on s'en fout. Moi c'est surtout le jeu de jambes qui m'a intriguée parce que ouais. Vraiment il y a un truc des pieds où je me suis dit putain, il doit se passer quelque chose dans leurs pieds parce que là vraiment, enfin, c'est qu'ils mettent autant de temps sur cette scène. C'est et vous amusez pas à vous emmêler les pieds vous quand vous faites l'amour? Et ben, je fais uniquement ça d'ailleurs parce que l'amour est spécialement fait pour emmêler les pieds. Oui, parce que dans le film, je comprends pas parce que parfois, genre, ils mettent le zizi qui rentre dans la chatte. Mais genre, ça, on peut trouver ça sur internet. Mais non, mais ça, ils le mettent pas. Bah oui, mais je comprends pas parce que moi, j'ai toujours cru que le sexe était s'emmêler les pieds, quoi. Bah non, c'est la crispation de pied plutôt. Oui, la crispation. C'est quand tu mets tes doigts de pied sur les doigts de pied de l'autre. Enfin, bref. Et donc ils font la chose de manière sale, et d'ailleurs c'est assez drôle, pas de manière sale mais de manière violente, parce que tous leurs lits sont déboîtés, ouais. Ils ont une carte de fidélité d'IKEA qui doit cartonner sévère sur les points. C'est surtout que la meuf, on va faire un point lit, ouais. Parce que du coup donc, les vampires ne dorment pas, machin, donc il y a toute cette histoire de Edouard qui propose un lit à Bella en lui disant non mais t'es encore humaine, toi t'as besoin de dormir et tout machin, et là oh mon dieu c'est trop cool, et dans le 5 donc quand ils sont trop gentils, je vais pouvoir dormir, quand ils sont tous les deux des vampires, donc ils arrivent dans leur nouvelle maison offerte par Alice, parce que Alice genre cette grande mère, enfin bref, ouais. Et il y a une chambre avec un lit, et donc là petite remarque bien graveleuse d'Edouard, ouais. Avec Bella qui fait mais on est des vampires, on a plus besoin de dormir. C'est pas pour dormir. Sachant qu'ils font la chose devant le feu de cheminée. Non mais voilà, et puis sachant que quand tu les vois à la fin de la chose, ils sont en train de genre d'être posés devant la cheminée sur un pauvre coussin et un pauvre tapis qu'on a vachement désagréable. T'es là mais t'as un lit genre super moelleux, vas-y et profite. Et puis t'as ce dialogue de Bella qui dit mais on n'a pas besoin de boire ni de manger, on n'a pas besoin de se reposer, on pourrait faire ça pendant l'éternité. Et là t'as Edouard qui dit on a dû être loin de Emmett et Rosalie pendant une bonne décennie parce qu'ils faisaient la chose tout le temps. Non, vraiment, c'est véridique. Oui, oui. Vraiment, c'est un dialogue qui... Oui. Non, oui, mais oui. Ce serait comme s'il y avait des cordes et des chaînes en mode « Mais pourquoi du matériel de l'escalade? Nous ne faisons pas d'escalade. C'est pas pour faire de l'escalade, c'est pour te fouetter, bébé. » Ça, c'est 50 nuances de... Oui, mais ça, c'est... Enfin, non, mais ça, on en parlera après. Ça, c'est le Twilight version Pornhub. Oui. Différent. Donc le sexe dans Twilight c'est dégoûtant, c'est de la merde parce que les films sont à la fois nuls au point de vue cinématographique et scénaristique. Franchement ça pourrait être pire. Ouais, alors il y a quand même des effets CGI qui sont hardcore, notamment l'effet CGI du bébé dans le 5 qui fait une caresse où tu te dis mais mon dieu, mais ce bébé mutant, mais jamais je ne veux l'avoir. C'est clair. Tuez-le rapidement. Je m'en approche pas. Là, pour le coup je suis d'accord avec Caro. Sachant qu'il m'a déchiré de l'intérieur quoi. Mais si on en est à parler des qualités proprement filmiques des films, qu'est-ce qu'on peut sauver, honnêtement? Alors, moi, voilà, ce silence est éloquent. Par contre, qu'est-ce qu'on peut détruire? Par exemple, le jeu d'acteur. Donc, le grand méchant, je vous fais écouter son rire. Maintenant, vous êtes prêts? Alors, ce que vous entendez tourner en boucle derrière moi, c'est le rire... Le rire de Haro Volturi. C'est le rire du grand méchant. Alors, vous voyez déjà le grand méchant qui arrive avec ce swag-là, qui en a clairement... Enfin, l'acteur en a rien à foutre de son rôle, n'a pas envie d'être là, est venu juste pour encaisser le chèque, et ça vient de se faire... Enfin... Bon. Mais bon, c'est peut-être tiré... On le disait dans l'introduction, un jeu d'acteur minable. Oui, c'est peut-être tiré sur l'ambulance, mais bon, je crois qu'on commence à avoir fait le tour de Twilight. Donc, une histoire nocive et mauvaise, des acteurs à deux balles, des films merdiques, un succès pas du tout mérité et qui est sûrement très, très, très, très, très, très nocif pour, pour ces jeunes filles. Ouais. Twilight, cancer du 21e siècle? Un peu, ouais. Ouais, grosse métastase. Grosse métastase, ouais. Ah, là, on est en phase terminale. Hein. Mais quoi d'autre sinon? 50 nuances de merde. 50 nuances de merde. Mais quand tu es vulgaire. Oh oui, excuse-moi. Qu'est-ce que c'est? À l'origine, c'était une fanfiction qui s'appelle Master of My Universe. Et t'as des producteurs qui ont approché. Juste. on parle de 50 nuances de Grey. Ouais. Alors, il faudrait peut-être définir ce qu'est 50 nuances de Grey. C'est une fanfiction de Twilight. Ah, ah. Mais on avait déjà approché les fanfictions dans l'épisode sur Harry Potter. Ouais. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de sexe sale oui. dedans. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de sexe dans Twilight ? Bah si, il y en a dans le quatrième. Et oui, oui, mais pourquoi faire une fanfiction ? C'est, tu veux dire bah, pour assouvir les pulsions des pauvres gamines qui ont lu ça et qui avaient besoin de se la donner toute seule, quoi. Tu veux dire que la meuf était tellement frustrée qu'il baisse pas, qu'elle a écrit une fanfiction où il baisait ? Bah en fait, elle a internalisé tout l'abus et elle l'a cristallisé dans 50 nuances de Grey. Explique-nous. Bah, c'est-à-dire que bon, l'abus dans Twilight, il est léger par rapport à l'abus tel qu'il est montré dans 50 nuances de Grey. C'est-à-dire que le mec, sous le couvert de « je suis dans une relation sadomasochiste », en fait, c'est pire que dans Twilight. C'est-à-dire qu'il contrôle le compte en banque de la meuf, il contrôle sa ligne téléphonique, non mais attends, il contrôle c'est... où elle travaille. Ouais. C'est une vérité, le fait que 50 nuances oui. de Grey, oui. c'est une fanfiction oui. à la base tout à fait. De Twilight. Master of my universe, ouais. Oh my god. Ouais, tout à fait, ouais. Je te laisse continuer. Oh mais, je reste en stupeur. Ouais. Ouais. Et sachant que ça chie sur la communauté BDSM, parce que normalement, dans la communauté BDSM, t'as un grand respect entre les partenaires. Là, ils respectent pas les safe words. Bah, alors, stalk. Qu'est-ce que c'est qu'un safe word ? Un safe word, en fait, dans une relation SM... Excusez-moi, hein, je me permets. Dans une relation SM, sexuelle, d'ordre très phallique et vaginique, un safe word, en fait, c'est quand on fait les trucs sales, en mode « je te fouette, t'es ma petite chienne » et tout, ce serait de dire clafoutis. Ouais. Genre, à partir de clafoutis, qui est il le arrête. Safe word, il arrête tout. Ouais. Ou la meuf arrête tout, parce que une meuf peut se faire dominer comme un mec peut se faire dominer. Et donc, si le safe word est clafoutis, on arrête tout dès qu'on dit clafoutis. En mode, ça va trop loin, on se calme, fais-moi des câlins. Et puis, sachant qu'il y a eu un briefing avant de faire le sexe dans la communauté BDSM, après, il y a toute une phase de ce qu'ils appellent de réparation, où vraiment, on parle de ce qui s'est passé, est-ce que t'as bien aimé, quand, machin, on se fait à manger. Vraiment, il y a du cosy dans le BDSM. Là, c'est absolument pas cosy dans 50 nuances de Grey, c'est-à-dire bah, que... Non, je crois qu'on peut appeler ça du viol. Oui, oui, oui, complètement. Oui, voilà. C'est-à-dire que bon, il y avait un florilège de citations que je n'ai pas amené parce qu'on en avait assez avec Twilight. Mais si vous voulez rechercher sur le sujet, c'est assez violent. Et clairement, c'est super nocif, quoi. Moi, j'ai commencé à rechercher... j'ai essayé de rechercher cette vidéo de Christine Boutin. Donc, vous visualisez Christine Boutin. Hein, qui, en fait, est invitée sur un plateau télé à la con de talk show débile français. Non, pas TMTP. TPMP. TPMP, pardon. Eh, tu respectes... Tu respectes Cyril, la... ouais. Tu respectes la France et ses programmes télévisuels abscons et ignobles. Oui, voilà. Et non, ça devait être une matinale à deux balles. Et t'as Christine Boutin qui se met comme ça, de manière très, très, très, très, très impromptue et très violente, pour nous, téléspectateurs non préparés, à lire des extraits de 50 nuances de Grey. Et c'est affreux. Ouais. Mon Dieu, c'est... mais c'est la quintessence du viol intellectuel là-dedans. Bah, pour en fait, imaginez Christine Boutin qui raconte se faire pénétrer lentement et contre son gré par un zizi froid. Mmh. Voilà. Mmh. Et je cherche désespérément l'extrait sur YouTube, mais j'ai cherché désespérément l'extrait sur YouTube, mais il est introuvable. Je pense que Christine Boutin a fait supprimer le truc parce que c'était vraiment trop shady. Mais donc 50 nuances de Grey est quand même considéré, enfin a été promu et considéré comme le livre pour lequel les femmes ménagères de entre 40 et 50 ans se délectait ouais. de ça. Parce que ça a été internalisé jusqu'à ces femmes-là. Hein. Et on peut faire un parallèle justement avec Twilight qui est l'apanage de la culture du viol pour les jeunes préadolescentes qui vont durer jusqu'à 50 nuances de Grey ou quand t'auras 50 ans. T'inquiète pas, t'auras aussi des trucs hardcore carrément. Pour te rappeler cette culture du viol qui va être bien violente et vu que t'auras internalisé tout ça, tu pourras te dire « Ah mon Dieu, mais ils ont tellement raison, j'en veux encore plus. » Ouais, toujours plus. Mais là, vous parlez vachement de culture du viol. Qu'est-ce que c'est la culture du viol, juste ? Ce large sujet. La culture du viol, en fait, c'est tout un système qui, par exemple, va blâmer la victime pour le viol plutôt que l'agresseur. C'est-à-dire que quand une femme va reporter son viol, on va lui dire, mais madame... Mise en situation. Mm. Mais vous étiez habillée comment, madame? Voilà. Est-ce que vous aviez bu? Non, mais mise en situation. Vous portiez... Ouais. Comment vous étiez habillée, madame? Bah, je sais pas, j'avais... Enfin, je sais pas, un pantalon... Ah, mais c'est normal que vous fassiez violer, madame, vous pouvez pas sortir comme ça. Et surtout, à quelle heure vous étiez dehors? Enfin, il faut faire attention, madame. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous étiez en état d'ébriété? Et ça, c'est vraiment des choses dont on parle aujourd'hui. Enfin, il y a d'ailleurs une étudiante qui a été violée sur son campus et qui a porté son matelas sur son dos pendant 6 mois pour faire inculper son violeur. Et il y a d'autres filles qui l'ont rejointe, et la meuf, partout où elle allait, elle portait le matelas sur lequel elle s'était fait violer, parce qu'on ne voulait pas inculper son violeur. Et voilà, la culture du viol, c'est tous ces petits trucs. Par exemple, le fait que dans la publicité, on ait des images à connotation de viol. On pense par exemple à cette pub Dolce & Gabbana, d'une nana allongée par terre avec 8 mecs torse nu au-dessus d'elle. Un beau caquet. Oui, on peut dire ça, ouais. La spermidouche. Ou alors on peut parler aussi du harcèlement de rue, où c'est vécu comme quelque chose de pas grave, alors que c'est pas un crime, mais c'est quand même grave, quoi. Enfin, bah, même là, quand on allait acheter des bières avec Tiffen pour l'émission, t'as eu une bande de kéké rasés sur les côtés avec du gel sur les cheveux du dessus. Qui se sont mis à faire « T'es bonne, toi ouais. !» Et alors qu'on allait juste acheter des bières et que Tiffen porte clairement pas une robe provocatrice. Mmh. Elle est clairement en dessous des chevilles, là, la robe. Ou alors moi qui prends mon train tout simplement pour aller à la fac et qui me prend un petit cul à foutre par un mec qui passe. En même temps, t'as vu comme t'es habillée. Ce genre de choses, on pourrait en parler mille ans, et c'est ce qui fait que Twilight est un très très mauvais film. Bon, je parlerai pas de la réalisation dont on a déjà parlé, mais par le fait que du coup ça permet aux jeunes filles de pouvoir intérioriser complètement ces choses-là de bah non, mais tu es une fille donc du coup tu es soumise. Ouais. Et donc du tu coup tu es de base un objet sexuel pour les hommes. Voilà. C'est ça. Tu es un objet sexuel et tu dois te soumettre parce que même dans son choix entre Jacob et Edward, c'est pas un vrai choix qu'elle fait. La manière dont Jacob dans le Twilight 3, il la presse et il la violente. C'est affreux. Ouais. Bah ouais. Et tout sous le couvert de tu le sais pas encore, mais t'en as envie. Au fond de toi, t'en as envie. C'est ça. Oui, il lui dit ça. Il lui répète le tu te rends pas compte de ce que tu penses vraiment. Et donc depuis... Mais moi, je sais ce qui est bon pour toi. Voilà, c'est ça. Moi, je sais ce dont t'as vraiment envie. C'est hardcore, quoi. Oui. Vraiment. Et moi, je sais que là, tout de suite, j'ai envie de popcorn. Ouais. Je vais manger ce popcorn. Et peut-être qu'on va pouvoir clore notre émission. Est-ce qu'on peut clore notre émission? Je sais pas. Ça, c'est un... C'est une vraie question. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Crachez allègrement sur cette œuvre entre guillemets littéraire et cinématographique. Je pense que c'est des choses importantes à dire. Vous avez le droit de ne jamais les regarder et de ne jamais les lire. Moi, je pense que vous devriez les regarder avec vos potes. Vous êtes cosy chez vous. Vous prenez des bières et vous faites un jeu à boire. Ça va vous venir très naturellement. Vous faites par exemple des jeux à boire sur. Vous pouvez déjà voir sur quand est-ce qu'une femme se fait abuser, quand est-ce qu'une femme doit dépendre d'un homme, quand est-ce qu'une femme est bella. Mais bon, ça on en parlera plus tard. We'll be right back. y a déjà plus de musicalité que dans Rendre en l'amour. Hein. Il était une fois un petit garçon qui aimait bien se promener à la campagne. Et un bel après-midi, il est allé se promener du côté des marécages. Là où les sols pleurent sur la terre et l'air est tout mouillé. L'air est tout mouillé. Et la mousse qui descend des cyprès ressemble à un monstre à l'œil maussade. Juste à l'endroit où vivent les grenouilles. Eh bien, ce petit garçon, il s'assoit sur un tronc d'arbre et il écoute les grenouilles. D'abord, elles ne parlent que le langage des grenouilles, quand quelques-unes disent. C'est lui qui fait toutes les voix. Ah ouais. Il y en a d'autres qui font. Il y a des gens qui se sont dit ouais, c'est bien, on va mettre ça sur un CD et le vendre. Ah, mais les autres, les handicapés adultes sont fans les de ça. Les plus grosses. Vraiment. C'est Fef qui m'a fait découvrir ça. C'est pas trop stylé ce qu'il fait. Et même de temps à autre, on entend certaines grenouilles qui font. Bientôt, les garçons y ferment les yeux pour les entendre. Il écoute encore les grenouilles. Et là, il découvre que les grenouilles ne parlent plus le langage des grenouilles. Pas du tout, elles parlent le langage des gens. Il y en avait une qui disait par exemple. Out, out, out, out, out. Out, out, out, out, out, out. Out, out, out, out, out. Et une autre répond en disant. Et encore une autre demande. Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Et l'autre de répondre. Un crapaud de répondre. Dans la boue, dans la boue. Dans la boue, dans la boue. Dans la boue, dans la boue. Dans la boue, dans la boue, dans la boue. Et un très vieux grand-père qui chante après ce qu'il dit. Enlève-le. C'est dur. Une toute petite grenouille. La poignée de poche. Chef de la tribu. Non. L'Américain en dit de Boss Frog avec les yeux gros et verts. Il sort la tête de l'eau et il dit. Oh, c'est terminé là. Et toutes les grenouilles, elles sautent dans l'eau et elles nagent au loin en faisant. Ok. Mais sinon, tu peux mettre Vita Vinaigrette aussi de Drouin. Hein. Elle m'a fait découvrir Vita Vinaigrette et depuis. Vita Vinaigrette est formidable. Est-il Ah mais oui. Ça a tellement l'air d'être le fun. Bon allez. Ok. On repart parce que là ça enregistre depuis. Pou pou pou. Ah oui, ça enregistre depuis tout à l'heure. Ouais. Oh merde. Pou pou pou. Bon.